en direct et en exclusivité pour vous. De 20h à 22h, il revient chaque semaine. C'est... Bah, c'est Jadoul en fait. Jadoul. Bonsoir à tous, bienvenue, vous êtes dans Jadoul, c'est votre rendez-vous hebdomadaire du samedi soir et nous sommes là de 20h à 22h en direct avec vous chaque soir de la semaine et ça c'est bien quand même tout de bah même oui. Et nous avons le magnifique, le sublime micro, non, je fais ça. Le sublime Curtis Mackay. Mais comment vas-tu Thomas, t'as passé une bonne semaine? Ça a été. C'était fanfaronneux. Non, t'inquiète pas, ça s'est bien passé. De ton côté aussi? Mais oui, super. Beaucoup de travail, je pense. Beaucoup, hein. Oui. Beaucoup. On a beaucoup travaillé ensemble, d'ailleurs, avec Curtis. Et oui. Et je pense que tu es même content de cette évolution, cette progression. Oui, non, c'est bien. Bah, puis je vois comment j'évolue, je vois où sont mes erreurs. Puis bah, voilà, je trouve ça toujours bien. Parce qu'on travaille évidemment pour vous rendre toujours un rendu encore meilleur, que ce soit l'émission culinaire que l'on a sur une autre entité du groupe TMS Prod ou sur divers supports et même ici à la radio. Et oui. Il fait des progrès, c'est ça qui est assez sympathique. Moi, ce que je vous dis, c'est que ce soir, nous allons passer une émission exceptionnelle car nous avons Curtis Mackay qui est déchaîné. Il a des infos et il a également son astuce culinaire. Et oui. Et moi, je n'ai pas son jingle. Ça, c'est magique quand même. Moi, de mon côté, bah, tout va bien. J'ai des petites anecdotes croustillantes à vous raconter, notamment quelque chose qui s'est passé la nuit qui vient de de se finir. Je vous en dis pas plus, en tout cas vous allez avoir de quoi vous marrer. Curtis, je pense que il est temps aussi de annoncer à nos spectateurs que nos auditeurs nous sommes en pleine saison des fêtes. Et oui. Qui dit fête dit Noël. Oui, donc jeu de Noël. Donc roue de Noël. L'avant. Le pire c'est qu'il le sait, on a préparé l'émission ensemble. C'est quoi la musique de la roue de l'avant? C'est Merry Christmas de... J'ai dit clairement... je sais plus, mais en plus tu m'as dit le titre juste avant. Tu rigoles, mais c'est vrai. Mais c'est pas ça? C'est... Non, All I Want For Christmas Is You de Mariah Carey. C'est ce que j'allais dire. T'as dit Merry Christmas, pareil. Y a Christmas dans les deux. Allez messieurs dames, aujourd'hui je vous annonce une nouvelle exceptionnelle sur... On est où? Sur Hilar FM, ARL et en Facebook Live. Nous proposons de gagner des magnifiques lots, notamment des disques, des compilations, des bics de Curtis Mackay et plein d'autres surprises. Pour ceci, c'est très simple, vous envoyez roue de l'avant par SMS au numéro que va vous dire Curtis. Au plus 32 49 9 15 75. Ouais, vous envoyez ça à ce numéro-là et vous avez la chance d'être tiré au sort pour gagner de magnifiques lots. D'ailleurs, notre community manager, notre standardiste, vous jure, il a même les albums en main, que c'est des choses magnifiques. Et oui, c'est vraiment des beaux albums. Ok. Je pensais que ça allait durer un peu plus longtemps. Et on aura aussi, oui, le voyage à Disneyland qu'on va faire gagner bientôt sur TMS, j'allais dire. Non, sur... On est où? Sur... J'ai du mal. RFM, oui, depuis quelqu'un a collé un autocollant d'une autre radio ici dans ce studio. T'as une pancarte de 50 mètres carrés. Allez, ne loupez pas ceci. On rappelle le numéro et le code SMS à envoyer. Vous envoyez roue de l'avant au plus 32 49 9 15 75. N'hésitez pas à envoyer un SMS, c'est pas surtaxé, c'est le prix d'un SMS et c'est les e-messages gratuits. Ah ben voilà, c'est magique ça quand même, on pense à vous et on pense à votre portefeuille. Et donc oui. Là, à mon avis, ça peut régaler tout le monde. Je te propose d'écouter un titre. Mais bien sûr. Et qu'après, bah, on va donner les titres de l'actu. Mais bien sûr. Regarde-moi ça, on dirait presque que cette émission a été préparée. Et oui. C'est magique quand même. Allez messieurs, dames, je vous propose de vous écouter, oui aussi. Oui aussi. On va vous recevoir à l'antenne dans quelques instants, mais pour l'instant on a Dire Stairs avec Sultans of je vais pas y arriver, Off Swing. C'est bien. Tu connais la chanson? Oui, mais le gars ou la personne non. Bah voilà, ça passe souvent sur Hilar FM, mais c'est une bonne occasion de l'écouter ensemble. Vous êtes dans le 20h-22h, bonne soirée à vous, il est 20h07. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. Toujours en live dans Jadoul sur LR FM. Mais oui, la musique était terminée. Et oui, il y a eu un jingle mis un peu à l'arrache. Et oui, il y a eu un blanc. C'est pas moi qui le dis. En tout cas, messieurs, dames, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous la terminez en beauté avec nous. Et la Dream Team de Tocard est là, vrai pour vous. Et t'as pas publié le snap? Je l'ai enregistré. Je pensais mettre la photo du. Okay, c'est... Ah, mais non. T'aurais dû la mettre en story. Ah ben c'est pas grave, on va en refaire une juste après. Ce n'est pas bien grave, on a l'habitude de toute manière ici. En tout cas, Curtis, je pense que tu pourrais être à ta place au lieu de prendre une pancarte à la RFM. Ça va? On offre des pancartes. En plus elle fait 50 cm sur 50 cm. Je ne vous dis pas la galère qu'il est en train de faire avec le la pancarte. Mais quoi? Rien, c'est toi qui me fais rire. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Parce que je suis drôle. Non, faut pas abuser. Mais si, moi je me trouve drôle. Mais tu es bien le seul. Bon, alors. Ah, bah une petite notification, pourquoi pas. C'est la magie du direct. Allez, Curtis, ça va, je ne te dérange pas? Un peu en fait, un peu. En fait, il fait son boulot de CM, de Curtis Mackay, de Community Manager, mais il le fait sur le mauvais moment. Mais ce n'est pas bien grave, j'ai besoin de toi quand même parce qu'on doit vous faire gagner quand même un album de Dedicate. Voilà, et voilà. On demande à tous les gens qui ont envie de le gagner. On va le faire dédicacer par Dedicay et comme ça on qui est à côté de... Ah non, il est pas là. Non, il est pas. Ça va, Deli? Oh yes. Ouais, mais il est loin. On comprend pas pourquoi il s'est mis loin. Deli, ça va? Je suis pas loin. Ça va, Deli? Ah yeah, come on, how are you, my friend? Oh là là, quelle horreur. Bon, en tout cas, il a l'air en tout cas bien en forme, mais on va le laisser dans son coin. Donc si vous avez envie de gagner un album dédicacé, n'hésitez pas, c'est ici que ça se passe. N'est-ce pas, Curtis, il en reste? Mais oui, bien sûr, il en reste plein. Merci bien. Bon, lâche ça. On voit ça après. Non mais tu me dis de le lâcher. Il a lâché son téléphone en live. Tu me dis lâche ça, alors moi je le lâche. Non mais je veux dire, ne l'expose pas par terre, pose-le. Verrouille-le. Il est pas verrouillé. Voilà. Ok. Il est pas verrouillé. J'ai appuyé sur... Ah voilà, c'est il bon, ça déco... mais c'est parce que c'est un problème de fond d'écran. Donc, nous... je rigole. Aucun humour. Je cherche la vanne en fait. Pas de soucis. Si quelqu'un l'a trouvé, qu'il me dise. J'en peux plus de lui. Bon. Il est carré. Le début d'émission s'annonce un peu compliqué. Un peu. Ça va toi? Bah oui, ça va et toi? Tu veux décevoir les gens qui t'écoutent? Bah non, je déçois jamais les gens qui m'écoutent. Que les gens qui te connaissent. Voilà. Allez, messieurs, dames, je vous propose d'écouter, comme on le disait, Kungs. D'ailleurs, il y a un album de lui à gagner. Et oui. C'est ça qui est magique. Vous envoyez Roue de l'Avant par SMS au numéro de téléphone de la radio. Et sans plus attendre, on vous fera gagner avec grand plaisir à l'antenne d'Hilar FM, d'ARL, du Facebook Live, de tout partout. De partout, de partout. De partout, même d'RTL, on sait pas pourquoi. Le allez. Truc qui a rien à voir. Effectivement, tu sais ce que c'est? C'est un coup de fraîcheur avec Kungs sur Hilar FM en direct. Vous êtes dans le 20h-22h en live. C'est le 20h-22h qu'il vous lâchera jamais. Et la preuve est telle que nous allons vous lancer un jingle. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas, Curtis? Mais oui. J'aime bien ce jingle. C'est un nouveau? Oui, c'est un nouveau. C'est ce qui me semble. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. Et le 20h-22h est là pour une utilité bien simple, c'est que nous allons vous donner les actualités que vous ne regardez pas forcément, mais que nous regardons pour vous. Et, oui. Et ça, c'est l'avantage. Curtis, je pense que tu as une actualité pour nous. Mais bien sûr. Tu veux là une, là deux, là trois, là. On va lancer un dé. Non, pas les dés. Trop de mauvais souvenirs avec les dés. Je te propose de me qui. Donner la A. Là, ah, alors ça c'est la première. Voilà, Chine, en Chine. Ah, en Chine. Curtis Mackay passe son permis. Et oui. Lassé par les bouchons, il peint lui-même des flèches au sol pour modifier la circulation. C'est très original, mais il prend 126 euros d'amende. Ça va, c'est pas grand-chose. Ça va. pour déformation de la voie publique. C'est vrai ? Oui, non. Ah, ah bah, je tapais au hasard, moi. Non, non, c'est ça, oui. Ok. Vraiment, ces termes-là ? Non, c'est vrai, non, c'est vraiment ça. Mais pour eux, c'est 1000 Jonas. Je sais pas si tu connais la monnaie. Si. C'est un bon chanteur d'ailleurs, Jonas Blue. C'est de la monnaie. Oh là là. Ok, très donc bien. Donc je disais. Ouais. Donc ça, c'était l'actualité qu'il fallait pas louper. Et oui, voilà. C'est quand même fou qu'il y en a qui dessinent, qui s'amusent à dessiner sur la route. Ouais, c'est fou. Il y en a qui dessinent sur les bancs, il y en a qui dessinent sur les corps. Et bah toi tu dessines, on va pas le dire à l'antenne. Messieurs, dames, vous êtes dans le 20h-22h, c'est l'émission de référence le samedi soir, car vous passez un beau moment. Et ça c'est l'avantage, car vous sortez moins bête et surtout mieux informé de ce rendez-vous. Pensez-moi à changer la qualité de ce bête, parce qu'il est insupportable, on est d'accord? Ouais, non, franchement il est... bah il est bien, mais voilà quoi. Mais rien que pour ça... On va pas passer à la suite. On va continuer. Sinon c'est pas possible. T'avais une blague à me raconter d'ailleurs, toi. J'avais une blague. Ouais. C'était quoi? Tu m'as dit avant l'antenne, ouais, j'ai une blague, ça concerne. Ah, je me rappelle pas. Non, mais je te jure, je me rappelle pas. C'est vrai? Bah, je peux t'en faire une vite fait, quoi. Vas-y, une petite blague. Attention, on lance le jingle des blagues s'il existe encore. Vas-y. Il y a une blonde, une rousse et une brune qui rentrent dans un bar. Oui. Laquelle est la plus intelligente? Celle qui s'est pas pris la porte. La rousse, car c'est un dictionnaire. Non, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle, j'avoue. On peut applaudir un petit peu. Mais 4 fois 20 qui applaudissent. Merci Paris. Non, non, on va se calmer. En tout cas... Maintenant, je vous propose aussi de savoir que dans quelques instants, il y aura le jeu des 5 mots, le classique jeu que l'on fait entre nous avec Curtis. L'objet du peuple. L'objet du peuple. Bah tiens, on va déjà le faire maintenant, pourquoi pas. C'est qui le fait? C'est toi? Moi, c'est toi. Ok. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit? C'est l'objet du peuple. Jadoul. Alors, Curtis, je pense que c'est toi qui détiens tous les indices et l'objet du peuple. Eh oui. Tu peux nous confirmer, en faisant du bruit avec ton papier, que tu as tout ça sous les yeux. Je t'ai pas dit de te frapper avec le cahier. Voilà, j'ai les papiers. Et la tête qui tourne. Ok, on peut passer en mode suspense ? Suspense. L'antenne est à toi, les auditeurs aussi. Voici le premier indice de l'objet du peuple. Alors, ça va toi? Bon, moi nickel, hein. Mets tes lunettes. Alors. Le premier indice, Curtis. Alors, mon premier, j'ai une roue. Une roue? Une roue. Ça peut être l'être humain, la roue. Ça peut être la roue de la fortune. Non. Donc, répète l'indice. Le premier indice de l'objet du peuple, les auditeurs contre moi-même. J'ai... une roue. C'est tout, j'ai une roue. D'accord, ok, pas de soucis. On va méditer là-dessus. On va voir ça dans quelques instants, voir s'il y a moyen de faire quelque chose avec ça. En tout cas, c'est assez vague, hein, je dois le dire. Mais en tout cas, bah, c'est bien, c'est un petit peu corsé. Mais bah j'espère oui, faut, que. Faut un peu de challenge. Oui, bah. De challenge. Là, il y a du challenge, hein, là, je peux te le garantir. Allez, nouveauté dans Hilar FM. C'est un tout nouveau titre que l'on va vous faire découvrir maintenant dans Hilar FM. C'est ça aussi l'avantage de cette émission, c'est que on peut vous sortir des choses que vous n'avez jamais entendues quelque part. Et ça, c'est oui. Aussi notre force, notre griffe. D'ailleurs, Curtis, en parlant de griffe, t'as coupé à Étienne? Bah oui. Et toi? Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais moi non plus. Master Press avec Nono sur Hilar FM. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. Je vais éternuer. Ah non, non. Je vais éternuer. Non, non. Nous sommes en direct, vous êtes dans Jadoul, il est 20h31 et j'ai éternué. Bien. C'est du beau, c'est du beau. Curtis, je pense que tu as une actualité pour nous. Robertine. Robertine, qu'est-ce qu'elle a? C'est ma femme. 2 qui l'atteignent et 3 qui non, non. 97 ans. Non, non, non. Donc je t'écoute. Elle a 97 ans et tous les jours elle boit 15 bières. 15 bières? Et ouais. C'est énorme. Non, c'est une blague. Non, vraiment. Non, je te jure. C'est une vraie actu? Non, c'est une vraie. Donne-moi la source de l'article. 7 sur 7. 7 sur. Bon, on va les croire. Et donc, elle boit 15 bières par jour. 15 bières. D'accord. Un petit peu comme toi avant de venir à la radio. C'est pas vrai déjà. Ça, c'était le mec bourré? Ou c'était l'handicapé? Les deux. Les ok. Parce que non. Le mec bourré, je peux le faire. Hein. Vas-y. Alors, si vous voulez, c'est pas pour vous dire. Mais. Curtis, c'est un chic type. Bref, ok, bah, c'est intéressant, mais toi, est-ce que tu serais capable de boire 15 bières par jour? Déjà, boire 15 bières sur un mois, non. Parce que la bière, c'est pas tellement mon fort, parce que je sais pas, c'est trop. Y a un, bah, c'est le goût du houblon que je n'apprécie pas trop, donc voilà. Et toi? Ça ne passe pas, je comprends bien. Mais il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup de gens chez qui la bière a du mal à passer, notamment chez les gens qui ont, je pense, des problèmes de. Prostate. C'est vrai? Non, je sais pas. Non, je sortais un dos sérieux et le mec va tout griller. Non, c'est pas grave. Ben, ok. Ben, moi, je pensais sortir une vraie info. Moi, j'ai pas de problème de prostate. Non. Non, ça, toi, c'est les hémorroïdes. Arrête, ça, les gens, ils vont y croire. Ça, c'est toujours pas soigné depuis la semaine dernière. Donc, arrête, c'est faux. S'il y a un médecin qui nous écoute, donnez-nous des trucs. Je sais pas. Pardon. Ok, très bien. Non, moi, je ne bois pas, moi. Pas beaucoup, en tout cas. Sauf avec Curtis. Oui, pas qu'avec moi. Bon, mais si, qu'avec toi. T'as vu l'exclusivité quand même? Hein, n'est-ce pas? Bon, si t'as quelque chose à dire, tu me le dis en antenne. Allez, ce sera tout pour l'information. Tu parles de l'émission, Dimfi? Le ce sera tout de l'émission. L'émission TMS Télévision? Oh oui, je vois quand même. Quelle horreur. Bon, ce sera tout. Allez, je vous propose maintenant que l'on se fasse. Qu'est-ce que l'on se fasse? Tu veux une autre info, dis-moi. Curtis, c'est pénible. Je devais lancer quelque chose. Je ne sais plus quoi. Bah bravo, c'est à cause de toi, ça. Bah merci, dis. Ah oui, on va faire le jeu des 5 mots. Oui, le jeu des 5 mots. On va faire beaucoup de choses. Mais avant, je vous propose quand même de vous suggérer d'envoyer un mail à l'adresse public@tmsprod.com. Tu sais pourquoi, Curtis? Mais tu vas me le dire. Pour assister à Jadoul en public. Jadoul. Vous êtes dans le rendez-vous de la semaine incontournable. C'est évidemment Jadoul, votre rendez-vous qui est de 20h à 22h toutes les semaines. Si vous avez entendu comme il y a de l'ambiance quand on fait des émissions en public, eh ben justement, tentez votre chance, faites-le aussi et venez nous voir en vrai. Mais oui. Voir au moins que Curtis n'a pas une aussi belle voix qu'à la radio physiquement. Et qui pue de la gueule aussi. Non, mais il y a beaucoup de choses à voir, notamment bah, découvrir les coulisses de la radio. Ben oui. Et je trouve ça aussi intéressant. Bien, On va peut-être marquer sur Facebook ou sur quelques sites l'adresse. L'adresse, oui, c'est public@tmsprod.com. Je te propose de faire un post Facebook et de nous dire, aux gens de nous rejoindre dessus, d'accord? On sait faire des posts Facebook. le CM qui dit ça, quoi. C'est le comble, je pense. Allez, on fait un petit récap du côté de chez Swan. Oh là là. Avec Dave. Non. Oui, bah Dave, d'ailleurs, t'as des nouvelles de lui? Comment il va? Bah, il va très bien. Je l'ai vu avant-hier. Il m'a demandé comment j'allais. Il m'a demandé si j'étais de la fanfare. Je lui ai dit non. Mais toi, t'es dans l'orchestre. Bah, non. Or, j'adore. Parce que j'ai une personne de ma famille. Hier, j'étais au restaurant. On vous dit tout. Hein. Oui, on vous dit tout. D'ailleurs, Curtis, d'habitude, lui qui me dit tout, eh ben, il m'a juste dit oh, bah voilà, je suis au resto. Il m'a rien dit de plus. Je savais pas avec qui il était. Je savais pas qu'est-ce que. J'étais pas bien. Bon, allez, vas-y, dis-moi. Et alors, on nous propose d'aller dans le. C'était mon micro. Écoutez le micro quand même. Je sais pas quel âge il a. On va demander pendant les vacances de l'huiler. On a un bon technicien pour ça. Je t'écoute. Donc, on va au restaurant et il y a l'homme, le serveur, qui nous propose d'aller au petit salon où il y a un piano à queue. Donc un piano. Non, c'est pas pour toi, Thomas, arrête. Mais j'ai rien dit, moi. C'est un grand piano ouvert. À et, queue. Le mec pas embêtant. Et donc voilà, puis on dit non, et puis on rentre à la maison, puis elle dit. À queue. Mais t'arrêtes ! Le gars, je suis en train de raconter un truc super sérieux, il me fout mon ah, truc. Ah, pardon, pardon. Non, c'est bon, c'est bon. Pardon, excuse-moi. Si tu veux que je quitte le studio, tu me le dis. Hein. Quitte-le. Non, okay. Je rigole. Non, non, vas-y, dis, donc, vas-y, je te mets même l'accordéon, vas-y. Et donc, et donc, elle rentre chez elle et elle dit à son mari, oh, on nous a proposé d'aller devant un orchestre. Je dis, maman, un orchestre, c'est 150 personnes. Là, c'était juste une personne qui faisait du piano. Elle n'a pas les notions de nombre de personnes, voilà. Ah, ça c'est drôle. Bah, ça valait le coup de l'accordéon, je dois dire. Ah. Félicitations. Mais merci, merci. Oh, la rue, hein. Allez, voilà. C'était la petite anecdote de vie de Curtis. Moi, je vous raconte la mienne dans un instant. Mais d'ailleurs, tiens, il y a la chanson de Curtis là qui passe. Ah, tu sais, c'est quoi ? Laisse tomber les filles. Elle a lu sur mon écran. Sale type. Mais faut pas appliquer ça. Laisse tomber les filles. Laisse tomber les filles. Curtis a piqué ça la lettre. Ça va? Je rigole pas avec les rageux. Allez. Je lirai, c'est bien fait pour toi. Je lirai, ça t'apprendra. Je lirai, ça t'apprendra. Wow, wow, wow. Ah bon, on va vous filmer comment il fait l'handicapé avec le câble. Ben non, ils viendront nous voir comme ça. Comment je fais l'handicapé? Oui, mais comment il faut faire pour venir nous voir? Ben, faut envoyer un mail à public@tmsprod.com. Bien. Et s'il y a une réclamation à faire, quelque chose qui ne vous plaît pas à propos de l'émission, vous m'envoyez directement à moi-même un mail. C'est curtis@tmsprod.com. J'allais le faire en plus. Oh, mais quoi. D'ailleurs, je voulais juste. Tant qu'on est sur France Gall, je peux me permettre. Mais oui, fais ce que il y a une chanson qui me choque. C'est la chanson Les Sucettes. Je trouve que c'est tellement pervers cette chanson. Bah non, moi je l'aime bien, je la connais presque. Bon, mais y a pas de sous-entendu. Aime les sucettes. Les sucettes à la nuit. Je sais pas ce qui est le plus flippant, qui chante dessus ou. Les sucettes à la nuit, Dani. Donne un baiser, un goût d'amour. Très flippant, moi je trouve. J'aime bien, moi je l'aime bien. Ben oui, moi aussi, mais c'est flippant quand même. Ok, bah toi ça ne te choque pas? Non, ça me choque pas. Ça me choque pas. Ok, bah tant mieux pour toi parce que moi ça me choque. Ok, y a pas de souci. Bien, Curtis, on va mettre tout ça de côté parce que tu sais quoi, il est l'heure de l'astuce culinaire, non? Non, mais on peut la faire. Non. Le bon plan culinaire, c'est la recette du jour. De Curtis Maquet. Alors, je t'écoute. Quelle est la recette du jour? La recette? Ah, carrément. Maintenant, on fait une recette. Ah bah oui, c'est mieux. C'est pas une astuce? J'ai pas le jingle. En fait, on fait plus l'émission en fonction du conducteur. On fait l'émission en fonction des jingles. Mais attends, je peux te trouver le jingle? Non, non, mais je vais faire mon astuce comme ça, là, sur la nappe, comme ça. Non, non, mais non, je vais te trouver le jingle quand même. On s'est empêté. T'es sûr? Je vais te le trouver, promis. Ok. Je te laisse. Tu sais quoi, après, on va lancer une musique. Oui. Je te laisse ce temps-là. Mais en fait, non, parce qu'il faut que je le fasse direct à l'antenne. Ah, mince. Parce que dans le casque, je pourrais même pas écouter si c'est le bon jingle. Tu peux te moquer, oui, y a pas de souci. Mais c'est aussi ça la magie du direct, c'est pour ça que vous nous aimez, je pense aussi. Oui. Donc voilà. Allez, voilà, nous écoutons le jungle. Je pense qu'on l'a. Il est ici. Et attention, voici le jingle en exclusivité pour vous et en comeback. Ça s'est passé chez Jadoul. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Attendez. Ça c'est bon. Je vais la voir. Ok. Bien. N'hésitez pas à envoyer un SMS avec. Ok. Les infos intéressantes qui vont vous intéresser, c'est les news de la semaine. Alors le gars, ça fait deux fois qu'il m'interrompt pendant que je parle pendant le début de la radio. Mais je fais pas exprès. À croire. Bon bref, ok, on a compris, le jingle ce sera pas pour aujourd'hui, mais ce n'est pas plus mal. Voici, qu'est-ce qu'on voulait faire déjà? La recette. Ah, la recette, effectivement. Voici la recette de Curtis Maquet, l'astuce culinaire. Culinaire. Attention, la voici. Curtis, c'est à toi. Et donc, pour un légume, ce que vous pouvez faire, c'est l'émonder. Donc l'émonder, ça veut dire retirer la peau du légume. Vous faites une croix, donc une petite incision à l'arrière du légume. Vous le mettez dans l'eau bouillante pendant 10 secondes, tout dépend de la grosseur. Et ensuite, vous le retirez, vous faites un choc thermique. Et donc vous le refroidissez. Et Thomas, t'es perturbant. Et donc après, vous enlevez la peau avec un petit couteau. Et ça le rend plus digeste. Et voilà. Ok, pas de soucis. J'en ai vu des Allez. Cons dans ma vie, mais des comme toi. C'est pas compliqué. Il y aura un concours des cons, t'arriveras deuxième. C'est pourquoi ? Vas-y, décris aux auditeurs ce qui se passe, parce que là, ils voient pas. C'est pourquoi ? Parce que t'es trop con pour arriver premier. Alors Thomas, son casque, il fait l'handicapé avec un câble avec sa tête et il met ses lunettes à l'envers. Parce que oui, monsieur met des lunettes. Parce que oh ma lunette, oh ma trompette. Tu t'y attendais pas, celle-là, Jadoul? Non, je m'y attendais pas, mais je ne voudrais pas m'y réattendre non plus. Bah bravo, Curtis. Mais de rien, c'est félicitations pour ton licenciement. Bien, ce sera tout pour l'annonce. Ce sera tout. Et d'ailleurs, cette astuce-là, on peut la retrouver en image dans l'émission de Curtis, dans la deuxième. Dans la deuxième de Ce sera tout, qui est la recette du... l'œuf en cocotte aux tomates. D'accord. Très bien, eh ben, on va pas manquer de le retrouver, tu le sais. Mais j'espère. Je vous propose de vous faire un petit rappel pour ce que vous savez, c'est-à-dire... l'objet du peuple. Non, la roue de l'avant. L'avant. Ok, ah, parce que tu suis l'émission sinon ? Ah, on fait l'émission là. On est en direct ? On y est. Allez, je rigole. Voici donc la roue de l'avant. Le principe est bien simple, c'est que vous avez jusqu'à Noël pour vous inscrire sur Hilar FM pour remporter des cadeaux magiques. Il y a des compilations, des posters, des voyages, il y a de tout. On a de quoi vous faire plaisir ici et on a vraiment de quoi s'amuser puisque on a l'adresse. Arrête, Curtis, je me concentre. Il y a l'adresse mail que il faut. Oui. Le numéro de téléphone. On t'écoute. Curtis, tu me perturbes. Le plus 32 49 9 15 60. 15. Qu'est-ce qu'il faut envoyer à cette adresse-là ? Roue de l'avant. J'adore. Ok, vous envoyez roue de l'avant à ce numéro-là et on tournera la roue pour essayer de vous faire gagner un magnifique cadeau en direct à l'antenne. Messieurs, dames, je pense qu'on ne peut pas faire mieux, c'est-à-dire vous avoir ici en direct. Je pense que Curtis, tu passes un bon moment et c'est ça l'essentiel. Oui, je passe un très bon moment. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, les fêtes de fin d'année ? Pardon. Juste parce qu'il y a mon esprit qui veut dire quelque chose, puis ma conscience qui me dit non, tu dois pas le dire à la radio. Ok, bah tu me le diras hors antenne. Non, ça m'inspire la joie, le retour en famille. Ah, d'accord. Ça va, non. Tu veux un peu d'aide peut-être ? Attends. Non, ça va. Attends, non, je pense que t'as besoin d'aide. J'ai pas besoin d'aide. Je ne vous dirai pas ce qu'il fait. Non, je sais pas, je vois la convivialité, le petit Jésus qui sort, tout ça quoi. Mais quoi, dans la ville où je suis, il y a une crèche. Hein. Ah bon, mmh. Un peu comme dans toutes les petits villages aussi. Oui, les villages. Ouais, mais là, on est d'accord. Mais il n'y a pas de souci, tu sais, moi je respecte sans problème. Tant que nous sommes en live, nous sommes à Copacabana, comme disait Barry Milow. C'est ce qu'on entend là maintenant. Voilà pour l'info. Merci de faire l'handicapé Curtis. Nous sommes dans le 20h-22h. C'est Jadoul en direct. Vous êtes sur ARL, Hilar FM, Facebook Live, tout, bah partout. Partagez, hashtag Jadoul. Et tout de suite, The Bangles. Tu parles toujours aussi bien anglais que... Vas-y, lance ce titre. Mais je sais pas c'est quoi. Vas-y, bah viens ici, viens à côté de moi, Curtis. Je te propose de lancer le titre. Comme ça, on verra qui c'est qui fera le malin. Voici mon micro, je te le donne. Donc, on va s'écouter Mika. On va s'écouter Walk Like an Egyptian. Tu crois que c'était mieux que moi ? Oui, c'est sûr. Certain. Moi je suis pas sûr. En tout cas c'est ce qu'on écoute maintenant sur Hilar. J'espère que pour vous avez passé un bon moment. Et que nous on se retrouve dans quelques instants. Il est quelle heure Curtis ? Il est 20h46. Merci bien, on se retrouve dans un instant sur Hilar FM. C'était à l'instant sur Hilar FM, le titre mythique que vous écoutez régulièrement à l'antenne sur Hilar FM tout simplement. Et d'ailleurs Curtis il est parti parce qu'il a eu un petit accident. On va tout vous raconter, on va tout vous dire. On lève les mains, on est innocent, on va faire juste entrer l'accusé. J'ai super mal. Bah tu expliqueras dans quelques instants, on fera rentrer le coupable, on fera rentrer les témoins, on fera rentrer la victime. Et oui. Mais j'allais dire c'est moi. D'accord. Okay. C'est moi, monsieur. Par contre, l'accent, il faudra le retravailler quand même un peu. Ok, bon, bah, on va faire rentrer tous les témoins. On va faire un petit. Un sans aucun doute ou un fait rentrer l'accusé ? Faites rentrer l'accusé, je pense. Comme tu veux, fais-toi plaisir. Bon. Fais-toi plaisir, Jack, tu m'as cassé la gueule. Moi ? Oui, toi. Ah ben, ça, c'est mal. Regarde, je saigne. Ouais, mais fais compresse. Je fais que ça, compresse. Déjà que t'es collant, alors compresse au moins quelque chose utilement. Non, je rigole. D'ailleurs, t'aimes bien les patinoires, toi ? Ça dépend. Pourquoi ? Je sais pas. Tu vas m'offrir une patinoire ? Non, c'était juste. C'était juste de quoi meubler le temps que je trouve la cartouche, c'est tout. Non, merci, j'aime bien la patinoire. Merci Curtis. C'est cadeau. Donc en fait. Non, vas-y. Non, j'allais meubler. Vas-y. Non, c'est bon. Vas-y. Donc, n'oubliez pas qu'on a des albums de Kungs et de Delica à faire gagner. Il faut juste envoyer au plus 32 49 9 15 75 Roue de l'Avent. Voilà. Merci. Cadeau. Il faut envoyer Roue de l'Avent à ce numéro-là sans aucun souci. Il est l'heure de passer à Faites entrer l'accusé. Pu me le créer au début. Et j'ai peur de parler parce que je sens que ça va être le générique. En fait, c'est juste une nappe. Je suis con. Attendez, on va essayer de. Aujourd'hui, dans Faites rentrer l'accusé. Nous avons fait de la peine. Curtis Mackay. Oui, c'est moi. Victime d'un terrible accident publicitaire. Même là, c'est des arrondis, tu vois. Oui, les gens, quand tu dis là, ils voient pas. Oui, je sais. Il a été victime d'un accident publicitaire, c'est-à-dire qu'il a pris une pancarte Ilar FM. De 50 mètres en plus. De 50 cm sur 50 cm. Dans ses mains, sauf que c'est des cartons, des plaques en plastique, quoi, c'est du plastique dur. Et lui, il prend ça et il se le tire dans la gorge. Du coup, il a plein de sang dans la gorge puisqu'il s'est égratigné dans le cou. Oh, le pauvre. Un témoignage. J'ai mal. C'est tout. Si t'avais coupé la pancarte en arrondi. En fait, parce que le logo il a refait mais arrondi, mais pour mettre l'ombre du logo, on a fait une pancarte carrée. Sauf que je pense que la prochaine fois, on fera comme les autocollants, on fera les coins arrondis, comme ça tu te blesseras pas. Je pense aussi. Même les autocollants qu'on lui a envoyés par la poste, on lui a mis des arrondis. Ah, je vais les recevoir alors. Combien de temps ils sont envoyés de quel pays? Tu les as pas encore reçus? Oui. Non. Ok, d'accord. Ouais, ça veut dire qu'il y a du boulot à la prod. Voilà. En tout cas, voilà, ce sera. Il faut que j'arrête. Tout l'émission culinaire. On a tout dit sur Faites entrer l'accusé? Ce sera tout. J'en peux plus. Ok, une actualité, Curtis? Curtis est en sang, fait divers, après avoir été tué à coup de pancarte. Non, allez, vas-y, je pense que tu as une actualité pour nous. Eh oui, on t'a encore retrouvé, Thomas. Moi en Russie, on m'a retrouvé. Il s'acharne 3 heures sur une porte avant d'appuyer sur le bouton pour l'ouvrir. Donc le gars, il y a un gros bouton. Et pendant 3 heures, vu qu'il était ivre mort, on n'a pas su. Ah, il était ivre mort. Bah oui. Pas comme moi alors. Bah si. Ça va aller. Après tes 15 bières quotidiennes. Mais je ne bois pas, je ne fume pas. Je suis complètement sain, n'est-ce pas Curtis? N'hésitez pas à envoyer un message au numéro de la radio. Tu es mieux placé pour ça. Fais un démenti maintenant. Sur quoi? Sur ça, dis qui je suis réellement. Attends, je regarde si j'ai du Alain Souchon. Non, allez, s'il te plaît. Donc Thomas, c'est un peu. Voilà, je sais pas comment te expliquer parce que. Mais je suis quelqu'un de sage. J'ai peur de me faire frapper après. Je suis quelqu'un de sage, n'est-ce pas? Ça dépend dans quel sens. Je suis pas quelqu'un de sage. Tu viens de me péter la gueule à coups de pancarte. Ouais, bah toi, tu viens de me péter les oreilles avec ta musique à 5 minutes. Ok, je ne l'ai pas. Je pensais l'avoir, attendez. Il a mis ça juste avant l'émission, hein. Il est fan, regardez, écoutez, c'est son refrain. Non, c'est pas encore maintenant. En fait, c'est la mauvaise version, je suis désolé. Arrête de faire l'hélicoptère, s'il te plaît. Avec ton câble de casque. et autre chose. Bon, non, allez, sérieusement, mais il n'y a pas moyen de se concentrer. Aujourd'hui, c'est l'émission Catastrophe, hein, c'est Catastrophe FM. Hein. Le con, il est là, mais centré, je suis pas là. Ok, c'est bon, plus de fans, j'ai compris, le mec, ce n'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Non, quelqu'un est un mat gentil quand il met ses lunettes. Mets tes lunettes. J'ai pas de lunettes. T'as des lunettes. J'ai pas de lunettes. Si, si, si, t'as des lunettes. Je n'ai pas de lunettes. Tu veux que je prenne une photo pour montrer à tout le monde que... Ah ben, au pire, je donne ton Snapchat. Ouais, c'est ça. Allez, nous allons écouter tout de suite Leave My Room sur Hilar FM, c'est en direct. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Réagissez en direct sur Facebook, Twitter et Instagram, sur la page de l'émission ou avec le hashtag Jadoul. Voilà, c'était à l'instant un tout nouveau titre, donc on vous a fait aussi découvrir, c'est aussi ça la magie. Alors on fait un petit bonsoir à tous ceux qui sont là en direct sur Hilar FM, qui nous écoutent peut-être dans leur voiture via l'application Hilar FM, qui nous écoutent sûrement depuis notre nouveau player sur Facebook, oui. Dans l'onglet d'ailleurs, Corsi Chouikelsem et qui s'occupe de tout ça, tu peux nous dire comment ça fonctionne? Donc on va sur la page Hilar FM et sur le côté c'est marqué accueil et puis c'est marqué écouter la radio digitale. Effectivement, vous et donc appuyez sur ça. C'est tout simplement un onglet, vous allez sur un PC, sur l'application, sur la page Facebook Hilar FM et vous avez un tout nouveau player, écoutez les radios digitales et hop, vous avez tout, la web radio hit de Curtis, oui. La web radio hit de Jadoul, oui. La web radio avec les meilleurs moments de cette émission, oui. La web radio avec les... Ah non, elle va arriver, on peut la dire en exclusivité ? Oh, on peut faire une exclue aux auditeurs d'Hilar FM. Mais toujours. Mais c'est Noël avant l'heure. Alerte, nous avons une information. Nous allons vous divulguer la nouvelle web radio qui va sortir. Ça s'appelle Hilar FM Noël. Avec tous les sketchs de Noël, les musiques de Noël. Et ça, franchement, vous allez vous marrer et passer un chaleureux mois de décembre à écouter Hilar FM, évidemment. Donc, Curtis... Oui. Le pauvre, il a mal, hein. On vous a expliqué tout à l'heure. Il a donc il s'est pris de pancarte Hilar FM, mais vraiment, mais il s'est entaillé sous le menton et il a mal. Il saigne, le pauvre. Et j'ai été le désinfecter et tout, mais le pauvre, tu me fais beaucoup de mal, tu sais. C'est pas grave. Je vais mettre un élastique autour de la tête avec un papier. Parce que, en fait, il a la tête recroquevillée comme ça avec le cou comme ça, et donc du coup, il arrive pas bien à parler dans le micro. Et là, ça va. Je pense pas. Donc, c'est très bien. Si tu veux, on est aussi rediffusé. On va tester d'ailleurs si on est diffusé sur ARL. Oui, on va regarder. La station à qui on a également vendu l'émission. Pour vérifier si on est partout. Parce que si on dit vous nous écoutez depuis blablabla et que c'est pas vrai, alors là. Alors, on faut pas pousser mes bébés. Erreur réseau. Ah. ARL FM, pas de son. Alors Curtis, tu lances le numéro ? Je lance le numéro. Quel talent ! Oh, c'était chronométré, j'adore ça. Félicitations Curtis, c'est de mieux en mieux en tout cas. Hein. Ben de rien, c'est cadeau. Ah non, mais tu t'améliores de semaine en semaine, c'est parce que la fin de semaine arrive. Oui. La fin de contrat aussi. Oui. T'as peur pour l'avenir. C'est ça. Ah, allô, Nicolas ? Oui, c'est Thomas. Oui, c'est ça, voilà, tu m'as reconnu à ma voix. C'est nickel. Dis-moi, oui. Ça se passe bien à ARL ? Je sais pas, attends. Pourquoi ? Ben, parce qu'on n'est pas diffusé. Ah ben, attends, je vais regarder. C'est gentil. Je suis pas en direct cette fois-ci ? À moitié. Alors, je rigole, bienvenue à l'antenne. Hein. Voilà, on se dit qu'à 21h04, c'était sympathique de t'appeler pour savoir un petit peu comment ça allait, pour faire un petit peu la promotion de ARL qu'on peut retrouver, oui. Sur arlfm.net. C'est ça, voilà. .net, c'est ça, oui. Et ben voilà, on ne va pas y manquer, les auditeurs d'Hilar FM non plus, comme ça on s'échange un petit peu les gens, c'est sympathique. Bien, ça en est où ? Mais alors je regarde deux petites secondes parce que mon PC s'est mis en veille. Il n'y a pas de souci. Et donc, à mon avis, c'est pour ça qu'il n'y a plus rien. Ok. Ah, mais l'ordinateur, en fait, est en train de faire des mises à jour. Ah, ben nous, on se met à jour aussi. Voilà, c'est ça. Ok. Bon. Bonjour à Kelly qui nous dit bonjour les garçons. Ah oui, bonjour Kelly au standard qui arrive. Bonsoir les garçons. Bah, bonsoir la garçon. Le film. Ah, ben oui, madame, voilà. C'est comment Kelly ? Bah salut Kelly. Bah voilà, aussi un coucou, voilà. De Nico. Voilà. Ok, bah, mais... tu nous tiens au courant ? Oui, ben là il faut attendre, en fait elle va être finie la mise à jour, donc okay. il faut attendre que la mise à jour soit finie, je remets tout en route alors. On va attendre, de toute façon nous on est là jusqu'à 22h tu sais. Ça va, d'accord, y'a pas de soucis. Allez, passez une bonne soirée. Bonne soirée, eh ben, merci à vous aussi, puis bonne soirée aussi à tous les auditeurs de la RFM. Hein. Ben, merci bien, merci. Allez, salut, à bientôt. Voilà, à bientôt, oui. J'adore, je suis pas en direct cette fois-ci, à moitié. Voilà, ça c'est agréable d'avoir des patrons comme ça parce que, enfin patrons, des collaborateurs comme ça parce que on peut être cool avec eux. Bon, allez, en tout cas ce que je vous dis c'est que maintenant nous allons, Curtis va préparer le numéro, tu peux me préparer une ligne avec le oui. numéro que je t'ai dit hors antenne. Une ligne de pêche. Oh là là, oh là là, mon dieu. Kelly qui dit coucou Nico et ses demoiselles. Oh et non, et mademoiselle, pas et ses demoiselles. Et c'est mademoiselle. Hein. Oh, mademoiselle Kelly. Oh, arrête, elle va avoir peur. Mon numéro, elle. Par SMS, on a Kevin qui nous dit bonsoir les gars. Bah, bonsoir le gars. Et on a aussi Julie qui nous fait un petit coucou. Bah, on lui fait un coucou. Coucou aussi. Julie. Allez, on compose le numéro. C'est le numéro de. La SNCB. Et pourquoi est-ce qu'on appelle la SNCB? Car c'est des gros. Welcome by LMBS for Nederland, druk op 1. Pour des informations sur nos horaires et tarifs, appuyez sur 1. Pour l'accompagnement de personnes à mobilité réduite, ah, c'est pour toi, appuyez ça. Sur 2. Pour une assistance dans l'achat en ligne d'un titre de transport, ouais, appuyez de transport, c'est ça. Chers clients, afin d'améliorer la qualité de nos services, cette conversation peut être enregistrée. Super. Sachez que vous pouvez également consulter belge ou pas une liste oui. des questions les plus fréquentes. Belge, ouais, je vais faire l'accent belge. Ticket online. Bon, elle a fini de causer parce que ça, c'est un calvaire hein, quand même. Quand vous appelez un service et que vous avez un petit truc. Hein. Grand frais. Grand frais. Ah, j'adore. Ça, c'est drôle, ça. Ok, c'est le truc pour un instant, s'il vous plaît. Votre appel sera traité dans les plus brefs délais. Voie 3, le train hissé à destination de Namur et Bruxelles midi de 7h32 partira dans quelques secondes. Aura une demi-heure de retard. Eh mais c'est la musique SNCB, tu vois, on en parlait. Bah on en a trouvé une. Écoutez tous ça. Les opérateurs sont actuellement en ligne. Oui bah tais-toi, on écoutait ah, la musique. Oui, tout le monde est en ligne, tu te fous de ma gueule. Oh non, elle recommence. Bah justement, écoutez, c'est le nouveau tube Hilar FM que vous écoutez en exclusivité sur les SNCB, en direct sur Hilar FM. Avec un bon son téléphonique. Et il y a des basses en plus. Et la trompette. Arrête. Palapapapa. Oh, je hors tempo, moi. Tous nos opérateurs sont actuellement en ligne. On va laisser tourner. Le temps d'attente peut être important. Bah oui, nous vous remercions de votre patience. Bah, 21h30. Vous pouvez également consulter la liste des questions. Bon, c'est gentil, madame, merci. Faut juste vérifier si ça ne décroche pas, hein, parce que pas la laisser poireauter. Au pire, on lui met une musique d'attente, c'est la musique IR FM. On lui met un jingle IR FM. Veuillez patienter, s'il vous plaît. On va vous prendre dans quelques instants. Veuillez vous patienter. Vous allez basculer à l'antenne dans quelques instants. Je fais l'accent belge alors. Oui. Comme Johnny Tuning là qu'on avait comme fait. Johnny Tuning. Ok. Et je vous explique le cas. D'accord. Parce que comme ça, vous allez découvrir en même temps que la personne au téléphone pourquoi est-ce qu'on les appelle. C'est assez drôle. Vous allez le découvrir. Est-ce qu'à 21h, il y a encore quelqu'un à la SNCB? Est-ce qu'il y a déjà eu quelqu'un à la SNCB? C'est ça, quoi. Est-ce que Curtis a déjà parlé près de son micro? Oui. Allez, on va laisser tourner encore une minute et au pire, bah, on va passer la ligne à Curtis et dès qu'il a quelqu'un, il nous le basculera automatiquement. Ah! Toutes nos lignes sont occupées. SNCB bien en ligne, Geoffrey, bonjour, comment puis-je vous aider? Bonjour monsieur, voilà, j'ai changé mon abonnement il n'y a pas très longtemps dans un guichet du côté de Libramont. Allô? Oui. Et en fait, le problème, c'est que j'avais, vous savez, la carte Mobip, je ne sais plus trop quoi, là où on met l'abonnement dessus, et, qui était grise et orange, et là maintenant, elles ont changé de couleur. Est-ce que ça change quelque chose pour moi? Non. Non? Mais par exemple, la mienne est rose et quand je la sors, on se moque un peu de moi et ça, c'est un petit peu dérangeant. Est-ce qu'il y a moyen de changer juste la couleur de ma carte ? De devoir aller au guichet pour ça, alors faire une demande d'une nouvelle carte. D'accord, mais c'était pas payant pour moi. Ah si, si vous faites une nouvelle carte, c'est 5 euros. Ah, mais c'est pas moi qui l'a choisi en rose. Enfin, comment est-ce que la SNCB peut donner des cartes roses à des gens qui sont pas... Enfin, à des garçons quoi. À la carte est comme ça, c'est pas qu'elle a changé de couleur. Ah d'accord, toutes les cartes sont comme ça. Mais non, normalement une carte Mobip c'est pas rose. Hein. Bah, je l'ai sous les yeux, bah attendez. Pas très bien. Mais je vais la sortir de mon portefeuille, voilà, attendez. Hop là. Donc c'est. Hop. Voilà, j'ai mon abonnement dessus avec mon numéro, même si vous voulez. Voilà. Et donc dessus, bah, c'est bien. Il y a ma photo dessus, il y a la date de validité, il y a le numéro de carte, et il y a. Le fond est rose, la carte. La carte en elle-même est rose. Oui, si c'est la couleur de la carte, malheureusement, j'ai bien peur que ça ne rien y changer. Hein. D'accord, donc on doit... mais parce qu'il y en a des bleus, des verts, des oranges, et moi je suis tombé sur une rose. Enfin, c'est la faute à pas de chance. Mais normalement, à la SNCB, c'est pas rose. Hein. Je comprends pas, vous l'avez où cette carte? Guichet à Libramont. Au guichet de la gare de la SNCB. Ah oui, ça je vous le dis. Mais il... Quand il passe l'abonnement dans le train, il fait bip, hein. Il fonctionne. Ah non, mais oui. je vous garantis que c'est vrai, j'en ai un, il est rose. C'est pour ça que je téléphonais, parce que ça me choquait un peu de la part de la SNCB. Vous vous appelez comment ? Moi ? Curtis Maquet. Vous pouvez rechercher, hein. J'ai un abonnement à Arlon-Libramont. Parce que moi j'ai un autre nom ici, hein. Ah bah, Curtis Maquet. Moi j'ai Thomas Jadoul. Ah bah oui, mais Curtis Maquet juste à côté de moi. En fait, je vous promets, je vous le passe. Hein. Attendez, je vous le passe. Oui, allô ? Oui, allô ? Donne ton numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est le... Voilà, il donne son numéro de téléphone. Comme ça, c'est fait. On va peut-être régler ce problème en direct. Mais vous êtes pas en train de faire une blague là, non ? Alors en fait monsieur, on vous explique, c'est-à-dire que ça fait 2 semaines qu'on essaye de joindre la SNCB, mais je vous promets que c'est vrai, et en fait mais c'est une histoire vraie, je vous promets monsieur que Curtis, mon co-animateur, a une carte rose SNCB, mais on vous promet que c'est vrai, et donc on a été choqués, on en a parlé avec les auditeurs en direct, et on s'est dit bah on va voir du côté de la SNCB, qu'est-ce que vous en pensez ? D'accord. Parce que des fois, le contrôleur se fout un peu de ma gueule. Mais là, vous vous foutez un peu de la mienne, non ? Bah non, on vous promet que c'est vrai. Mais je peux même vous envoyer une photo. Si vous avez une adresse mail ou quoi, je vous envoie la photo, je vous promets que c'est vrai. Non, bah, moi, je peux juste vous dire que les cartes sont oranges. Donc ici, je sais pas. Mais moi, j'en ai une depuis 2015. Elle était grise et orange avec des motifs SNCB, comme on voyait dans les autocollants et tout ça SNCB. Ouais, ça a toujours été le cas. Oui, mais bah, les toutes nouvelles, je vous promets, comme les nouveaux autocollants dans les trains avec les règlements, ils sont d'une couleur flash, comme les espèces de tubes là qui à l'entrée des gares là, qui symbolisent le nom de la ville ou je ne sais pas trop quoi. Et dessus, c'est vraiment marqué. Le nom de la gare, et c'est pareil pour les cartes, ils ont fait les mêmes couleurs. Donc voilà, on était juste un peu choqués, et je vous promets que c'est vrai, vous avez une adresse mail, on peut vous envoyer la photo. Non, mais je vous crois, il n'y a pas de souci. Ah, bah ça va alors. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce qu'il est un petit peu gêné de sortir son abonnement. Bah, il faut aller au guichet. On va négocier avec le guichet alors. Voilà, il faut aller au guichet. Ouais, d'accord. Très bien guichetier. Bon. Moi, malheureusement, je peux pas vous rectifier le tir, donc voilà. C'est dommage. Mais vous confirmez bien que la SNCB fait des abonnements roses. Ah, je n'ai jamais entendu qu'on donnait des cartes roses, non ? Bah, y a des bleus, on en a vu des bleus, des vertes, des oranges, et il y a des cartes roses maintenant. Et donc voilà. Ah. Bah, ouais, je suis content de l'apprendre. Bah oui. Bah, comme ça, vous pouvez prévenir si jamais vous travaillez dans un guichet, bah, prévenez quand même les gens, parce que c'est une mauvaise surprise pour 5 euros quand même. Bon, bah voilà, on vous souhaite quand même une bonne soirée. Bah vous aussi. Bah merci. Voilà, on ira coucher moins bête. Merci monsieur. De rien, au revoir. Bon, la SNCB n'a même pas l'air au courant que ils font des abonnements roses. Mais en fait, comment je vous explique. Su que c'était Thomas. On a laissé mon numéro. Mais même, t'es pas enregistré. Mais si, il y a mon numéro dans le dossier. Hein, et oui, et l'homme, il a vite tapé ton... Voilà, il a tapé mon numéro du standard dans... dans la base de données. Ça se trouve, ils vont me sucrer mon abonnement, j'aurais rien compris, moi. Lundi, quand tu le passeras... Non, monsieur, il passe plus. Et ça se trouve, là, il va récupérer mon nom, il va regarder sur quelle radio nous sommes en direct et il va aller voir, écouter notre direct. Oh, ben... C'est fou, mais il m'a même pas cru qu'il y avait d'abonnement rose. C'est ça, quoi. Mais les gars, c'est depuis septembre qu'il y a des abonnements pour les tops, pour les gens homosexuels roses ou les filles. Mais bah, pour n'importe qui. Je sais pas, quand je sors mon abonnement, on se fout de ma gueule. Mais bon, voilà. Au moins, Curtis, il défend la cause, lui, parce qu'on le sait, il ne s'en cache pas, mais... Allez, faire ton abonnement lundi. Promis. Non, mais bah, alors, attends, je te promets, si tu veux... Par amitié, par pure amitié, lundi, on fait un abonnement rose pour moi. Ok. Et je demande au guichet, je veux un abonnement rose. Ok. On fait ça ? On fait ça. D'accord, vous et tu tous... le payes. Trop tard, toi, c'est à la main. Ok. Non, mais on fait ça. Ok. Et on poste ça sur le Snap Hilar FM que tu rappelles ? Qui est Hilar FM. Non, c'est pas ça. Si, c'est Hilar FM, on a ce bon. Voilà, Hilar FM. Vous écoutez le 20h-22h avec Jadoul. Il y a du sourire. Il m'a coupé. On vous rappelle donc que nous sommes ici avec vous. Bon, bah, on... La SNCB, voilà, il faut pas trop les déranger. Surtout à 21h. Et surtout qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur boîte. Mais bon, ok, ce n'est pas grave. Mais le monsieur, il me prenait pour un con. Mais c'est pas grave. Mais j'étais vraiment choqué. Vous vous appelez comment, Curtis Paquet? Ah, moi ici, j'ai Jadoul Thomas. J'adore. Comment se faire griller en 2 secondes? Peut-être un peu trop tôt. Allez, bon, bah, je pense qu'on va rester là-dessus. Pour ça, je pense qu'on n'aura pas pire et. Et on c'est pourra qui, pas. Papy pas pire. Papy qui Papy pire. Ah, ok, papy pire. Oh, mais quelle horreur. Voilà, vous êtes dans Jadoul. C'est le 20h-22h en pleine forme car vous allez et découvrir encore beaucoup d'activités, notamment le jeu des 5 mots. Et le jeu des 5 mots, c'est maintenant en direct. Et voici. Oh, j'ai le jingle par contre. C'est vrai ? Ah, je peux l'avoir facilement. C'est vrai. Donc si t'attends 5 minutes, je peux avoir le jingle. Ok, donc je rappelle. Non, tu rappelles rien du tout, je vais trouver le jingle comme un grand. Sinon, je peux rappeler l'objet du peuple. L'objet du peuple ? On refait un point objet du peuple ? Parce que j'ai le jingle ici, donc moi ça va. C'est comme tu veux, moi, on fait... On fait d'abord le jeu des 5 mots, comme ça c'est fait, et comme ça les auditeurs jouent avec nous en direct. Vous pouvez aussi participer à ce jeu. C'est parti, jingle pour le jeu des 5 mots, si c'est possible. Je ne sais pas, ça m'étonnerait. Ça va se lancer les amis, hein, ne vous inquiétez pas. Qui en trouvera le plus face au chrono? C'est le jeu des 5 mots. Merci. Voilà. Oh ben voilà, on a eu au moins un jingle au moins oui, sur cette émission. C'est parfait. Allez, le jeu des 5 mots, on rappelle le principe, c'est il y a 30 secondes, je dois faire deviner à Thomas 5 mots et si il a moins de 3, il doit se mettre tenu. OK. Prêt ? On les fait offrir aux auditeurs. Des truffes. Non, ça c'est ce que je t'offre d'ailleurs. Tiens, cadeau. Merci. Voilà, cadeau. On les fait offrir des albums. Non. Des voyages. Non. Des cadeaux. Non. Des bics. Oui ! Tu aimes bien à ton temps perdu. Non, franchement, c'est trop large. Tu dois m'en donner, mais tu me les donnes plus. Les autocollants ? Oui ! Qui va faire le hymne national belge en 2018 pour la Coupe du Monde pour les Belges ? Stromae. Non. Mais la vache ! C'est la première fois qu'il me pose une question aussi réfléchie. Vas-y, je t'écoute. Damso. Damso ? Eh oui. Damso, ça donne quoi ? C'est quoi Damso ? Il a chanté quoi, Damso ? Bruxelles Vie. C'est la plus populaire. Il est belge ? Oui, il est belge. Bah, il est belge. mais c'est quoi Damso ? Mais je te jure, j'ai jamais entendu. Bruxelles Vie. Damso et au Macarena, c'est lui ? Oui. Bah, on va voir ce que c'est. C'est ça ? Oui. T'aimes bien ? Oui. Ok, il va vous chanter là-dessus, attendez. Donc je me dis que c'était avec lui, tu te sentiras mieux. Mais si tu te sens mieux, tu te souviendras plus de moi. Macarena, Le CSA a saisi l'antenne. On est piraté, on diffuse des trucs qu'on peut pas. Non, donc t'aimes bien ça? Oui. Mais pourquoi ça passe pas sur ta web radio alors? Parce que je n'ai pas eu le temps de te le dire. Il y a beaucoup de choses que t'as oubliées, je pense. Mais note-le, d'ailleurs, note-le que tu dois me faire un petit antenne news de ce qu'il faut aller sur, ce qu'il faut mettre sur ta web radio. Comme ça, on mettra tout ça à jour, y compris avec la nouvelle web radio qui arrive, c'est celle de Hilar FM Christmas. Noël ? Christmas, je voulais dire Christmas. D'accord, pas de soucis. Et tu sais, maintenant c'est à toi, tu sais pourquoi ? Mais non. L'objet du peuple. Vas-y, attention, on te lance en mode suspense. J'avais pas fini les 5 mots. Ah, c'est vrai ? Ben, je voulais être. Même si le on y revient après. Fini, On y revient après. Le jeu des. Oh, tu me perturbes. Maintenant, c'est donc l'objet du peuple. Et vas-y, je t'en prie, le suspense est tout à toi. Nous t'écoutons de tout ouïe, rappelle les indices et donne le suivant indice. Alors. Mon premier. J'ai. Une roue. J'ai une roue est le premier indice. Suivant indice. Mon deuxième indice. Mon deuxième indice est. J'ai des poignées en plastique. Pas toujours. Comment tu sais? Oh merde! Alors je vous explique, en fait sa feuille est trop près de moi, alors j'ai vu le mot il y a à peine 2 minutes. Ah mais sympa. Je sais quel est l'objet du peuple, donc c'est à vous maintenant de gagner. T'en penses quoi? Et de discrétion, merci Curtis. Mais non, mais je disais une vanne. Ça va de manger à l'antenne? On ne dérange pas. Ah, bonjour à Sacha qui nous écoute. Ah, bonjour Sacha. Ok. Donc les trois indices, vas-y. Ah non, les deux. Ah, il y en a deux. Bah, pour l'instant, il y en a deux. Donc mon premier, j'ai une roue. D'accord. Et le deuxième, j'ai deux poignées. D'amour? Non, ça c'est toi. C'est pas gentil ça. Je suis toujours gentil. Ok. Et tu penses que les gens arriveront à trouver ça? Chacun son problème. Oui. Donc, on rappelle le numéro de la radio si tu veux bien. C'est le plus 32. Ah, j'allais lancer un jingle, mais c'est bon alors, vas-y. C'est le plus 32 49 9 15 75. Et n'hésitez pas à envoyer un message roue de l'avant. À ce numéro pour gagner plein de cadeaux, des albums, des voyages, et n'oubliez pas le hashtag Jadoul sur tous les réseaux sociaux, évidemment à ne pas manquer. Bien. Et hashtag Jadoul Koé. Pourquoi Koé? Mais quoi? Pourquoi Koé? Tu veux que je te fasse un dessin? Ouais, parce que je comprends pas là. Je suis pas chauve déjà. Non mais t'es chaud. C'est ça. Ok, très bien. Il y a pas de souci. Non, mais je ne pas. Ok, donc ce sera Damso qui va faire l'hymne national belge pour la Coupe du Monde en 2018. D'accord. Ok, bah pourquoi pas. Si vous êtes pour ou contre, bah dites-le nous par message ou par Facebook Live ou par ce que vous voulez ou par adresse postale. Twitter. Ok, très bien. Allez, je te propose maintenant de s'écouter un petit titre. Mais bien sûr. J'adore ce titre, il est entraînant, il est joyeux. C'est Tombouctou. Tombouctou. Vas-y, dis-le un peu. Tombouctou. Ah bah alors c'est parti, on s'écoute ça tout de suite sur RFM en direct. We will keep on fighting. The light is coming. Magnifique titre à l'instant sur Hilar FM, mais mon micro est tellement haut que je n'arrive même plus à parler. J'ai jamais eu ça. Attends, parle. Bonjour à tous, c'est bienvenue. Voilà, c'est bon. J'ai baissé mon micro. Ça fait du bien. Ah ben ça, chacun son problème. On se comprend. Non, je comprends pas, explique. Si, tu comprends. Non. Si. Non. Ouais, c'est ça. Tu fais simplement pas comprendre. Dis-moi, tu m'as vidangé mon sachet. Ah, il y a des choses à manger ici, oh, c'est trop génial. Bon, donc c'est quoi? C'est le sachet que j'ai fait la vidange. Ok. Bien, Curtis. Oui. Je te rappelle que ton poste ici est également de nous donner des informations. Mais oui. Donc, on va faire un petit point... En Chine. On va faire un point sur ce qui nous reste à faire dans l'émission. Comme oui. ça, on est un peu plus clair. On va faire un point sur le programme. D'accord. Tu crois qu'on a ça? Je sais pas, c'est à toi de voir. Ah, d'accord. En fait, non, c'est la musique qui s'est lancée toute seule. Voilà. Je pense qu'on a ça. Attention. Le point sur le programme, c'est la minute info. Elle est magnifique. Par contre, on n'a pas tous les jingles de séquences habituelles. Par contre, on a ceux de ceux qu'on ne fait pas d'habitude. Ok. Alors, on doit vous donner le dernier indice de l'objet du peuple. Oui. On doit vous donner également la réponse de qui est tiré au sort pour la roue de l'avant que vous envoyez au numéro de téléphone de la radio. Le plus 32 49 9 15 75. Je vais retenir, tu vas voir. Mon anniversaire. Oh, Curtis. Oui. Oh, petit. Attends, j'ai envie de faire un petit moment émotion si tu veux bien. Mm-hmm. Merci. Curtis, je tiens à te remercier. Ne t'éloigne pas. Reviens. Oui. Tu m'as fait mon cadeau de Noël et d'anniversaire en avance. Et oui. Et c'est un cadeau que je n'oublierai pas. Parce qu'il me sert tous les jours. Et donc, et ça coûte un peu cher, mais je voulais juste te remercier, voilà, en direct. Mais de rien. Parce que c'était très aimable de ta part. Et voilà, bah, c'est tout. Merci, merci d'être rien, là et merci pour ce cadeau. C'est cadeau. Ça me fait très plaisir. En plus, ça m'est très pratique. Donc, c'est un outil du travail au quotidien. Donc voilà. Ne me regarde pas avec ce sourire. Il n'y a pas de sous-entendu dans ce que je dis. Mais voilà, je voulais te remercier, c'est tout. Mais de rien, c'est avec plaisir. Voilà, comme ça, maintenant, je l'ai bien fait mettre en valeur devant tout le monde. Comme ça, il a une bonne image. Comment être très sympa avec son meilleur ami. Bon, oui. Je te propose également maintenant de nous faire 10 Dis-moi. Pompes maintenant, 10 secondes de pompe okay. au sol, comme ça, en direct. Attention, on lance le chrono et Curtis se met par terre et top. Oh, putain, j'ai mal aux côtes. Allez. Oh, le pauvre. Mais il y arrive. Ah non, voilà. Le chrono n'est pas encore terminé. Voilà, fini. Donc il s'est relevé quelques secondes avant, mais il en a fait, c'est déjà bien. À savoir qu'il a... t'as quoi aux côtes, au fait? J'ai mal aux côtes, parce qu'il y a un moment où je me suis cassé une côte. Tu t'es vraiment cassé? Oui, cassé une cassé, côte. Cassé, cassé. Cassé, cassé. À quel âge? Il y a 2 ans. Ah, il y a Non, c'est... comment t'as fait, ça? On peut raconter, ça, alors? Oui, on peut raconter. Ça va montrer à tout le monde que je suis un gros fragile. Oui. Ok, allez, accordéon. Donc j'étais à l'école et puis à l'école on s'amuse à faire des croche-pieds avec tout le monde, hein, c'est vachement drôle. Puis on me fait un croche-pied, mais ça c'est pas grave. C'est que quelqu'un a mis son pied derrière moi mais sans faire exprès, en plus du croche-pied. Et je suis tombé contre des haies qu'il y avait à l'école que 3 semaines après ont été enlevées, ils ont été rasés. Oui, et je sais même pas si c'est parce que j'ai fait ma déposition d'accident, ouais. Mais j'ai eu une côte cassée. D'accord. Et depuis... En fait, dès que je me refais un peu mal au dos ou que je tousse ou quoi, ben la côte se refragilise, quoi. D'accord. Et les personnes qui t'ont fait ça, je les connais. Oui. Eh ben, ils sont chiants depuis le début. Je les embrasse, hein, évidemment, on est aussi amis. Félicitations. Mais merci. Ils ont toujours eu une mauvaise influence. Je rigole. Allez, voilà, c'est la petite anecdote de Curtis. Bon, moi, je vais vous raconter la mienne. Mais oui. Mais j'ai honte. Mais non. Et il s'est foutu de ma gueule en plus, Curtis. Donc en fait, l'anecdote, c'est simple. C'est cette nuit, enfin la nuit qui était précédente là, je devais en fait aller à Bruxelles avec un ami. Et évidemment pas Curtis, parce que lui c'est pas un ami, c'est une connaissance. Non, je déconne. On devait dormir à Bruxelles. Et on trouve un endroit vers 2h du matin pour dormir, 2h, 2h30. Et on se réveille à 5h du matin parce que je devais aller à une station radio. Et donc, il faut vous avouer que je me suis réveillé entouré de 2 personnes que je ne connaissais pas, qui sentaient la drogue et qui étaient... Arrête de me donner à manger, Curtis. Et qui étaient assez louches. Et donc la personne qui était à côté de moi, enfin en face de moi. Alors comme ça fait des partous. Non mais je la connaissais pas, mais je connaissais personne. Ils sont revenus s'incruster la nuit, je les connaissais pas. Et donc ces gens-là, je les ai pas connus. Ils ont pris mon téléphone, ils ont coupé mon réveil quand il a sonné. Tranquille. C'est vrai, mais mon téléphone était en charge un peu plus loin. Et le type il s'est levé, il a coupé mon réveil. Et heureusement que je l'ai entendu, hein. Mais Mais le gars, il est fou. Il me connaît pas, il sait pas qui je suis. J'allais lui défoncer sa gueule. Merci Curtis de prendre ma défense. Mais de rien. En fait, ça se trouve, tu disais pas ça dans ce sens-là et moi je l'ai voilà. pas. Ok, merci bien. Non, malade, toi. Explique un peu. Mais Thomas fait le kéké et lance son micro, sauf que c'est un pin micro. Or, il me l'envoie dans la figure. C'est des pieds articulés. Hein. Et il me l'envoie, il a failli faire tomber ma canette. Bon, ça va, elle est vide. Or, je relance et bam, contre les ordinateurs. Dans un écran. Bon, bref. Voilà, c'était nos petites anecdotes du week-end. Si vous avez des anecdotes à nous raconter, l'articulation, ça va pas du tout. Mais je vous signale, je suis enrhumé, mais je viens quand même. Mais pour me parler, même si vous n'avez pas envie, bah, ça peut être anonyme. C'est au numéro de téléphone suivant. Suivant. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. C'est le numéro à ne pas louper. Curtis réceptionne tous vos appels. D'ailleurs, il en a un là, décroche parce que sinon, oui. Voilà. Donc, voilà. Je vous informe aussi que dans quelques instants, nous allons écouter un titre qui me tient à cœur. Donc, ça aussi, c'est bien. Et on va vous faire un petit point actu. Car il y a une dernière actualité de Curtis. Et oui. Et tu vas nous parler de quoi ? Eh ben oui, on nous a retrouvés, Thomas. On est dans le Point. Je sais pas si tu connais le journal Le Point. En le Thaïlande. Rond, le rond. En Thaïlande. Le rond point. Bon, allez, ok. Ah, j'ai même pas compris. Il comprend rien. J'ai compris, un point c'est un rond, pas un rond point. Oh là là. C'est encore plus drôle. Alors, bon. En Thaïlande, deux Américains arrêtés pour avoir montré leurs fesses devant un temple. Ah bah c'est génial qu'on parle de nous dans l'actualité. On nous voit partout. Mais c'est génial ça, au moins on parle de nous. On avait une pancarte, écoutez Jadoul au moins. Même pas. Oh mince. Non, parce que je me t'ai cassé la gueule. Ça m'étonnerait pas en plus. Bah très bien, ok, pas de souci. De ton côté, est-ce que tu as faim? Oui, pourquoi? Bah parce qu'on va s'écouter Bon Appétit. Oh bah ça c'est bien. De qui? Bah de Katy Perry. Évidemment. Et d'ailleurs, Katy Perry, elle a quoi ici sur RFM? Bah elle a un album. Hein? Il a quoi l'album? Bah il est tout nu. Il est tout nu. Ah, il n'est pas tout nu. Non. Ah, ok. Il a gagné. Katy Perry, Bon Appétit sur RFM. En plus, je dis quand ça fait wouh, c'est à nous, Curtis. Et comme des cons, on n'a pas écouté le. Et il me dit, il est en train de parler comme s'il parlait normal, sauf qu'il n'avait pas appuyé sur le bon bouton, il parlait tout seul. J'avais pas activé les tranches des micros. Bon, à part ça, ça va. Je vais mettre mon casque, on va faire. Parce que monsieur, faut le bordel à l'antenne, hein, faut le dire. Faut pas le bordel, on discutait et on a été pris de court par la courté du. La cour. Par la courbe. D'audience. Ah, mais oui. Mais oui, la courbe d'audience qui augmente de plus en plus et j'aimerais beaucoup vous remercier pour cela. Donc voilà, je suis content. Merci à vous, c'est grâce à vous que cette émission existe. Et voilà, maintenant je suis de nouveau avec vous, parmi vous, dans ce monde de brutes. Bon, allez. L'amour et pas la guerre. Voilà, et mettez des tulipes dans les canons. Et protégez les tulipes avant de la mettre dans le canon. D'ailleurs, c'était la journée mondiale du sida. Oui. Curtis a pris ça bien à cœur. Il a d'ailleurs porté même le bandeau toute la journée, tout comme moi. C'est important, il faut communiquer là-dessus. Et il faut. C'est important, franchement, c'est important de se protéger. On vous distribue aussi des préservatifs gratuitement si vous en avez besoin ici à IRFM. En tout cas, pas pour j'en toi, Curtis. Besoin. On n'en a pas besoin. Tu sais quoi? Non, mais t'as tu as le choix. Et moi, je joue ma vie. Un pile ou face. On est ravagé. Soit on fait. La fin de l'objet du peuple, ou soit tu donnes. On va donner un indice encore pour l'objet du peuple, comme ça les gens pourront encore jouer sur le temps qu'on fasse gagner l'album le du jour. D'accord, non pas le téléphone, c'est le mien ça. Non, le standard. Ok. Bah on lance l'objet du peuple. Le peuple. Le peuple. C'est le peuple, nom de Dieu. Allez, vas-y, lance le jingle à la professionnelle. Contrairement à ta coiffure. Avec le casque, ça a donné un truc original. Donc vas-y, sur le temps que je te recoiffe, vas-y, quel est le jingle? L'objet du peuple. On a connu mieux. Un objet a été sélectionné et caché dans une boîte par l'équipe. Serez-vous deviné de quoi il s'agit? C'est l'objet du peuple. Jadoul. Jadoul. Ah, oh, je suis à fond dedans, j'adore. T'es ce jingle. T'es un peu mégalo, toi, comme gars. Mais c'est pas moi qui a fait ce jingle. Jack le gars, il fait des pancartes qui me cassent la gueule. Et à part pour ça, pour peu qu'il y avait ta photo au verso. Alors attendez, attendez, c'est bien simple. J'ai juste un truc à dire. Comment est-ce que tu peux m'appeler mégalo alors que toi tu dis, écoute, il y aurait pas moyen de mettre Curtis Mackey sur des bics, sur des affiches et sur des flyers? Curtis Mackey sur les bics, c'était une très bonne idée. D'ailleurs, allez, on balance tout. Petite anecdote. C'est une grosse anecdote. C'est une très grosse anecdote. Alors. Je suis quoi? Ah oui, merde. Voilà, il y avait la petite alerte qui était en route. Ah ouais, effectivement. Ouais, c'est bon, hein, je peux pas faire tout, je fais la réalisation. Déjà, c'est déjà compliqué. Yeah. Enfin, viens à ma place. Ok. Viens à ma place. Hop là, on échange les places en direct. Ouh, je t'en prie. Et voilà. Alors, voilà. Moi, je suis à la place de Curtis. Et moi, je suis à la place du producteur. Du Big Boss. Ouais, c'est ça. Ah, ça va. Ouais, alors, vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce que tu voulais dire comme anecdote? C'est toi qui voulais. C'est toi qui voulais raconter l'anecdote. Ok. Coupe l'accordéon. D'accord. Relance-moi l'accordéon quand je te fais un signe. Ok. Je vais vous raconter une petite anecdote qui s'est passée, je pense, hier. Et c'était tout simplement. Et je vais pas réussir à le faire planter. Hein. C'était Curtis, tiens, il avait une craie et il s'est dit on va écrire dans le train, tu me veux, tu m'as. Non, mais d'abord on a son numéro de téléphone. C'était pas mon numéro. Si, si, si, si. Non. C'était ton numéro. Mon numéro se termine par 3. Non, mais c'était ton numéro, on va dire. Non, c'est le numéro qui date. Non, c'est amis. Moi, c'est moi. C'est ton numéro? Oui. Et ben voilà. Comme quoi, c'est un fanfaron jusqu'au bout. Bien. J'ai colorié toute la table à la craie. Ah, c'était toi? Oui. Il a vraiment une mauvaise influence sur toi. Mais le pire, c'est qu'on s'est dit, putain, s'il y a un contrôleur qui arrive, c'est pas un sac qu'on doit mettre, c'est deux sacs. Alors on s'est dit, oh, s'il y a le contrôleur qui arrive, on va vite mettre les sacs pour qu'il voie rien. Et il est pas venu. C'est lamentable. A eu la SSCB il y a deux minutes, on a donné nos noms. Allez réécouter le podcast, c'était Thomas Jadoul. Le podcast. Tu peux couper peut-être l'accordéon? Voilà. Nous lancer un petit jingle? D'accord, attends. Jingle van, jingle bear. Ouais, vas-y. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Tous les samedis, de 20h à 22h, vous avez la parole en direct avec Jadoul. Et voilà. Ça fait très bizarre parce que pour la première fois, je réalise pas l'émission et c'est Curtis qui m'observe maintenant depuis 3 mois. Oui. 4 oui. mois. Septembre, octobre. Novembre, décembre, 4 mois maintenant. Ok, tous à l'antenne, y a pas de soucis. Non, je tousse pas. Et ça va faire 4 mois maintenant que tu es avec nous à la radio en direct. Oui. Et c'est bien, tu observes. Et tu peux maintenant faire des choses magiques à la console, comme par exemple me passer mon téléphone. Oui, ah, j'ai un truc dans la gorge. Nous lancer Maria Carré. Mais sans problème. Oh, c'est horrible. On va voir comme ça va être drôle. Donc vas-y, je t'en prie. Hein, je vais essayer de le faire. Je vais réussir d'ici la fin de l'émission à le faire planter et à retourner à ma place parce que ça me perturbe beaucoup. Vas-y, crache à l'antenne. Hein, mais alors là, en 11 ans de radio, je n'ai jamais entendu ça. Donc vas-y, je te laisse. Mais oui, et je te bouscule. Ouais, tu ouais. te réveilles pas. Comme d'habitude. Ça va, pas ça. Je suis pas bien. Ouais, ouais, t'es pas bien, tout simplement. Et voilà. Ouais, mais tu nous le mets au début, calme-le-nous au refrain. Mais oui. Pile au refrain. Là, tout se joue là-dessus. Hein. Non, c'est pas le refrain. D'ailleurs, il monte un peu le curseur pour savoir où ça en est. Oh, je vais me débrouiller avec ça. Et oui, messieurs, dames, vous avez la chance inoubliable de pouvoir participer à la roue de l'avant. Et qu'est-ce que c'est la roue de l'avant? On va vous l'expliquer, vous avez déjà envoyé beaucoup de SMS. On va faire le débrief dans quelques instants. Vous êtes dans le jeu de Noël sur Hilar FM en direct. Et oui, car cette action que l'on mène va tout simplement vous permettre de gagner le gros lot du jour que la roue va désigner dans quelques instants. Donc, Curtis va faire tourner la roue. Et oui. Ah, comme on d'habitude. A une roue. On a une roue, bien sûr. Je te propose de faire ça dans un instant. D'abord, on va essayer de contacter notre auditeur par oui. téléphone. Sans souci. Attention, je l'appelle en direct. J'espère que ça va sonner chez lui. Ah. Je rêve ou tu as... Ah, je reçois un appel. Mais c'est ton téléphone ? Oui, attends, je peux. Attends, coupe Maria Carré là. Attends, non, mais c'est grave là. Coupe. T'es sérieux ? Quoi ? Tu t'es inscrit toi-même pour gagner le jeu ? Bah, je me suis dit, si j'envoie 3000 messages, je vais peut-être gagner. Le mec a participé à son propre jeu. Et moi, je trouve ça drôle. C'est pas drôle parce qu'il faut retirer un numéro au hasard et on n'a pas le temps. Oh. Donc, tu vas nous lancer la roue. Oui. Alors, donc tu montes la tranche. Je monte la tranche de jambon. L'hôtelier ressort de ce corps. Et tu vas nous lancer la roue. Ah, mais on n'a pas la roue, si ? Si, si. Elle est où ? Elle est en plein milieu du cartouchier. Là ? Oui, c'est ça. C'est sûr ? Attention, je vais la lancer. Elle est dans le studio. Je la prends. Oui, je la tourne. La roue. Attention. <Yeah. rire> Merci Curtis, merci. Elle ralentit. Sur quoi va-t-elle s'arrêter? 4, 3, 2, 1. Elle s'est arrêtée sur album. Et oui, et on offre l'album Daily Key. Non. Ah oh bah c'est, non, c'est pas celui-là. C'est pas lire, c'est marqué Black M. L'album de Black M part tout de suite pour l'auditeur qui va être sélectionné maintenant en direct sur Ilar FM. Et ne vous inquiétez pas, on va le retrouver dans notre système. Il suffit que Curtis, quand il retournera à son poste de CM, fasse son travail un petit peu. Mais je fais que ça. Je fais que ça, travailler. Et il va nous tirer un nouveau numéro au sort au standard. Et oui. Bien, et pour ceux qui ne connaissent pas, évidemment, Black M, tu as une cartouche de Black M ? Oh là là, Curtis, ne me fais pas espérer. Mais quoi, c'est Black M et Shakira ? C'est le nouvel album ? Mais ça c'est le début, c'est pas la cartouche. Oui, mais moi, on m'a jamais dit qu'il fallait le mettre directement au milieu. Mais au milieu, non, tu le mets in... Bon, bref. Je lui apprends comment fonctionne l'ordinateur, on se retrouve dans un instant. Je peux faire une nappe ? Oui, vas-y. Bah vas-y, fais-moi une nappe. J'aime bien Thomas. Ouais, moi aussi, j'aime bien. Donc là, j'arrête ça. Voilà. Et je fais ça. Voilà. Alors, tu vas chercher une nappe. Je la remettrai à zéro. Mais celle-là. On l'a déjà utilisée, celle-là. Oh là là, c'est trop compliqué. J'en choisis une que je veux. Je veux 17 secondes. Ok. Et voilà. Allez, messieurs, dames, vous êtes dans le 20h-22h, l'émission immanquable. Il est déjà 21h48. Encore un petit quart d'heure ensemble. On va bien se marrer. Vous êtes sur Ilar FM. Nous sommes en direct et je ne vois pas le compteur parce que Curtis a mis sa grosse main devant. Merci, Curtis. Je ne sais pas le timing. C'est pas grave. On est en direct. Et là, tu montes le curseur normalement, tu vois. Voilà. Black M. Et non, mais on n'écoute pas Black M. T'es moi, con. J'aime bien Black M. Oui, mais on peut pas. Ok, je vais mettre Confidence pour Confidence alors. T'es sérieux ? Mais quoi, t'aimes pas ? Bah si. Bah alors. Bon, on va s'écouter ça en direct sur Ilar FM. Comme si on ne le diffusait pas déjà assez. Voici Confidence pour Confidence avec Jean Schlentheis. Voilà. Et je vais reprendre mon poste parce que là, ça commence un petit peu à sentir mauvais. Ça t'a plu ? Oui, ça m'a plu. Bah voilà. Bah tu n'y retourneras pas. Allez, c'est parti. On écoute ça sur Ilar FM maintenant en direct. Allez, nous sommes en direct sur Ilar FM. Vous êtes dans le rendez-vous de la semaine qui touche à sa fin puisqu'il reste plus que 10 minutes. Oui. Thomas ? Oui, non mais je mets un jingle. Ok, mets un jingle. Ah merci. Si vous trouvez que la semaine est longue, grâce à Jadoul, vous trouverez le samedi soir très court. Réagissez en direct sur Facebook, Twitter et Instagram, sur la page de l'émission ou avec le hashtag Jadoul. Ah là là, on adore. Bien, messieurs, dames, je pense que vous êtes ici les mieux placés car nous allons maintenant... Ah, pourquoi tu lèves la main ? Parce que j'en ai que deux. Non, parce que j'aimerais que tu me fasses une promesse devant les 10 milliards d'auditeurs qui nous écoutent. Non, tu me dis oui et tu écoutes ce que je veux te faire promettre. Non, Thomas, non. Non. Alors, qu'est-ce qui se passe ? J'aimerais que tu me promettes. Dis oui d'abord. Tu peux me faire confiance, non ? Bah, vu la musique, non ? Je t'écoute. Ça fait depuis 3 semaines que j'attends des autocollants. Alors après que tu les aies perdus, retrouvés, aplatis, perdus, raplatis, reperdus, raplatis, reperdu, j'aimerais que tu me promettes devant tout le monde qui nous écoute que mercredi, j'aurai les autocollants. Ce sera tout et il a RFM. Voilà, vous étiez dans Jadoul aujourd'hui. Nous c'est... Quoi, tu les veux vraiment ces autocollants? Oui, et pas un autocollant. Mais Curtis. Oui. Je les ai perdus. C'est pas une blague. Non, je rigole. Mais en fait, au bureau, à la production, on a encore des bics, des... Puis ça aussi. Des autocollants, il a, ce sera tout. Oui. Mais ceux-là, ils sont pas encore découpés. Oui, donc, bien justement. On les a. Enfin, ils sont en rouleau, mais on les a. Si tu venais plus souvent au bureau aussi. Je n'ai jamais été convié à venir au bureau. Si, alors je rigole. Mais bon, au moins ces temps-ci. Donc voilà. Il a fait sa langue à la François Lambrouille. Il la sort comme ça, c'est horrible. Tu peux toucher ton nez avec ta langue? Ah, oh, c'est une horreur. Je peux même rentrer dans la nage. C'est vrai? Non. Ok, ça va alors. Je connaissais quelqu'un qui arrivait, c'était horrible. Tu voyais toute la narine bouger. Ah, mais il a deux organes très flexibles, Curtis. Il a la langue et un autre organe, on vous le dira pas. Rien de ça, je vous rassure. Mais je l'ai vu. Alors, du coup, pour les autocollants, je te le dis, les Hilar FM, oui, on en a vraiment pas beaucoup. Je te le dis, parce que voilà, c'était des essais que Hilar FM a commandé. Ils étaient ronds, arrondis. Arrondis, ils étaient carrés, arrondis. Mais il se peut qu'on en ait encore. D'accord. Mais les autocollants, ce sera tout, je te promets, tu les as pour vendredi. D'accord. Ah ouais, faut quand même 5 jours à la production pour les couper. 6, pardon. Allez, je te fais un prix d'amis. On échange un truc. Pour mercredi, tu les as avec okay. Ton aimabilité. Ok. Ok. Ok. Un pacte. Pacte. Pacte. Man. Ok. Pac-Man. Ok, y a pas de souci. Attention. C'est à la main, mais je vais c'est te la serrer. Faut juste que j'en suis une cartouche et je te la serre. Bah, la, moi, je vais te la mettre la cartouche. J'ai très peur. C'est bon. Et j'aimerais, en attendant que tu t'occupes, j'aimerais bien dire à l'antenne que c'est toi qui as tout le stock des bics chez toi, à la production. Donc voilà, si quelqu'un est intéressé par des bics, envoyez un mail à thomas@tmsprod.com. Non, prends mon adresse mail. Et on verra pour vous envoyer des bics. Donc c'est Thomas qui a tout le stock, donc moi je peux rien faire, je suis désolé. Mais en tout cas, c'est signé. Nous allons te donner les autocollants pour mercredi, en échange de ton amabilité évidemment. Et voici le pacte est là. On va fêter ça sur I Will Survive, c'est génial. Ok, le pacte est bon, le pacte est bon. Il ne s'est rien dit en antenne, hein, il ne s'est rien dit. Rhabille-toi, Thomas. Je pars. Ça va? Ça va. Bon. Je vais arrêter parce que j'étais en train de me déshabiller. Non, je rigole. Non, il rigole pas. Si, si, il rigole. Bien, je remets ma ceinture et... Plaisante. Nous, on est des gens propres. Bah oui. Tiens, j'ai une petite anecdote. Mince. Désolé. Bon, attends. Bon, ok, ouais. J'ai plus d'anecdotes. Mais, en fait, il nous manque un ordinateur, donc je dois switcher un petit peu partout et... Vas-y. Eh ben, en parlant de permis de conduire... Bah gratte-toi. Je lui fais en antenne. Je coupe mon micro, je lui dis. Mais ça, ça me gratte le bras. Mais oui, mais bon, tu le dis pas à l'antenne. Et donc en fait c'est quelqu'un qui avait eu un retrait de permis. Mm-hmm. Et sa femme ne conduisait pas. Ouais. Et il devait aller le rechercher à la police. Et il arrive devant l'agent à l'accueil. Ah ben bonjour monsieur, vous êtes venu comment? Bah en voiture, pourquoi? C'est vrai, véridique. Mais on va garder votre permis c'est une semaine. C'est une histoire vraie ou c'est non, une non, blague c'est vrai. Ah non, c'est vrai. C'est quelqu'un de ton entourage? De quelqu'un de mon entourage, oui. Mais je savais que t'aurais pas dû avoir le permis. C'est venu comment? En voiture. C'est ouais, génial, et ça, c'est bon, génial. On le garde une semaine de plus. Au revoir monsieur, laissez votre voiture devant le commissariat. C'est vrai? Non, c'est vrai, non, c'est vrai de chez vrai. Mais il est con! Mais oui! Mais en fait, c'est ça. Sorti tellement naturellement que. C'est comme moi, je me souviens à un moment, j'avais un prof de maths, et ce prof de maths-là, en fait, J'aurais pas dû, parce qu'il le méritait pas, mais j'avais séché une heure de cours pour, à l'époque, l'école et tout ça, j'avais séché une heure de cours pour Curtis. Bon, évidemment, ça lui a pas plu. Mais bon, on avait passé quand même un bon moment, mais il le reconnaît pas. Et donc, arrête. Et donc, du coup, bah, j'avais loupé la première heure. Sauf que quoi, il y avait en première heure, il y avait maths. Bah oui. Et alors, au restaurant scolaire, quand j'ai recroisé le prof. Oh, bah t'es là, Thomas? Oh, bah t'es là, Thomas? Et t'étais où au matin? Bah, je vous ai séché. Naturellement, mais clairement, quoi. Et sorti comme ça. Et tellement il s'y attendait pas, il s'attendait à une excuse bidon. Et ben, moi, bah, j'étais. Bah oui, monsieur, vous voulez que je vous dise quoi? Il était là. Eh ben, tu sais, en parlant d'excuses bidons, j'étais, il y a des années de ça, hein, tu sais, en cours, et je me lève sans aucune raison, et la prof me regarde, me dit, Curtis, tu fais quoi? Alors là, j'étais dans ma tête en train de chercher une excuse du tonnerre, puis je dis, bah, en fait, j'ai aucune excuse, donc je vais me rasseoir, sinon ça va durer 10 minutes, et que j'aurai quand même tort, alors autant, j'ai pas d'excuse, je suis désolé. Ok, très bien. Du coup, je dois vous dire que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer la page Hilar FM. Et oui. Curtis va nous faire un petit bilan statistique, là, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? Mais où t'étais? Mais où ça va? Oui, vous êtes de plus en plus. Et non, franchement, je suis vraiment content des chiffres, et je suis vraiment content de tout, et merci à vous tous de nous suivre chaque semaine, chaque samedi, et Thomas est très content aussi. Hein, oui, je suis très content. Mais tu me remercies pas, moi. Donc, merci non, à tous. Bon. Pas de merci. C'est gentil. Parce que c'est trop forcé. Allez, en tout cas, je vous le dis, nous sommes très contents d'être là. Moi, j'ai un générique de fin. Mais... Et... Ah non, il y a l'objet du peuple. Mais oui. Donc, on l'oublie. On allait l'oublier à cause de Curtis et sa tête. Mais c'est bien la cartouche se lance. L'objet du peuple. T'écoute, vas-y, démerde-toi avec ta séquence. Alors. Oh putain. Il y a le micro qui se fait la malle. Donc, je répète le premier indice. Mon premier, j'ai une roue. Mon deuxième indice. Ah, ça a moins de gueule quand je fais pas la réalisation avec le suspense et l'écho, hein? Ben, je peux le faire, tu vois. Non, je vais te le faire. Je sers encore à quelque chose ou pas dans cette radio? Je sais pas, tu sais pas lancer les cartouches. C'est bon, tu t'es foutu de moi parce que j'arrivais pas à lancer. Appelez le plus 32 49 9 15 75 pour réagir et participer en direct à l'émission. 32 49 9 15 75. Voilà, je t'ai coupé la gueule avec le jingle. Bon, alors je sais pas lancer une cartouche. T'en veux une autre de cartouche? Attends, je t'en lance une autre, regarde, écoute. J'attends. Voilà, encore une. T'en veux une autre? Il y en a une ici. C'est quoi? C'est la roue. Ah bah c'est bien, t'arrives pas à la lancer. 3, 2. T'en veux quoi? T'en veux une autre? Tu veux une numérotation? Tu veux quoi? On a tout. Non, y a pas de souci. C'est bon? Ouais. On peut reprendre le cours normal de cette émission? Ouais, non, sans souci. Non, c'est bon, je retiens. Merci, Curtis. L'objet du peuple. Ah, ça, Thomas. On lance le suspense? Suspense. C'est parti. Pourquoi tu nous prends le micro en main en mode années 80? J'aimerais parler d'un sujet sensible. Mais non, là c'est l'objet du peuple, on n'a pas le temps. Les hémorroïdes de Thomas. Mais j'ai pas d'hémorroïdes. Depuis, il ne s'assit plus et reste debout. Allez, c'est bon, j'ai coupé son micro, il dit trop de conneries à l'antenne. C'est minable de mentir aux gens comme ça, tout ça parce que tu es gentil et là et que tu me fais du pied, vas-y. Donc, mais non! Le premier indice. Ah, parce que tu fais quand même l'objet du peuple. Bah oui. Bon, je t'écoute, c'est quoi indice, tu veux? Bah, je mets du suspense. Pas les suspensions de la voiture. Et Curtis McKay va nous faire son interprétation de l'objet du peuple. Amen. Mon premier indice. Et voici le premier indice de l'objet du peuple. Amen. Mon premier indice, j'ai une roue. C'était le premier indice de l'objet du peuple. Amen. Il va nous faire le deuxième indice de l'objet du peuple. Amen. Le deuxième indice, j'ai deux manches. Il va nous faire. C'était le C'était le deuxième indice de l'objet du peuple. Il va nous donner le troisième. Amen. Mais deux heures après. Vas-y. Le troisième indice. Je sers à transporter. C'est-à-dire? Je sers à transporter. Ok. Je suis fait pour le jardinage. Je suis fait pour le jardinage. Et je m'appelle Joël. Je vois. Un râteau. C'est toi qui vas te prendre un râteau. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est un... Allez, aidez-nous par SMS là au plus 32 494 109 3399. Alors il y a Miguel qui dit la truelle. Non, c'est pas une truelle. C'est pas une truelle. Mais je vois pas. Mais attends, mais ça me saoule. Je l'ai là presque. Ça peut être quoi? Attends. Ça sert pour jardiner. Ça, un chapeau, non. Qui a deux manches et qui a une roue. Qui a deux manches et une roue. Curtis, le mardi. Waouh. Ouais, c'est drôle. Donc, t'as pas déjà que tu fais de la trottinette sur les caddies. Oui. C'est ça. Bon. Non, je ne trouve pas. Bon. Je le dis. Ah, je pense. Pareil que la personne qui vient d'arriver dans le standard. Oui. On a... Ah Sacha. Qui dit... Une brouette, est-ce que... Attention, tout le suspense. C'est le suspense. C'est le suspense qui y est. Attention. Alors, le suspense est au maximum. Tu veux que je mette du suspense? Non, non, parce que... Non, faut dire si c'est juste ou pas. Ah oui, c'est vrai ça. Puis j'ai pas en fait le hurrah, tu sais, le truc qu'on met d'habitude, mais c'est pas grave. Je ne l'aurai pas. Donc je dis si tu c'est peux, là. Tu peux, si tu comptes 30 secondes, je l'ai. D'accord. Donc Sacha nous dit que c'est une brouette. Donc une blouette ou une brouette? Ça dépend s'il y a un R ou trois R. Alors, est-ce une brouette? Vérification. Tout de suite, en avec direct, maître dans du plan. Il a RFM. On fait entrer nos huissiers de justice, maître Enfoiros et maître Gims. Alors, est-ce que c'est la bonne réponse? Je pense que... Alors, que c'est, selon moi, hein, au standard, ils sont plus forts que moi. Et... Parce qu'en deux heures, je n'ai pas réussi à trouver. Cela dit, ce que je peux vous dire, c'est qu'à 22h08, Sacha vient de gagner l'objet du peuple qui n'a pas été gagné depuis maintenant deux semaines. Félicitations à toi, Sacha. Et bravo de la part de Curtis. Il était costaud celui-là. Sacha. Bah, bravo Sacha. Ce que je te propose, Sacha, c'est de nous envoyer un petit message en privé qui va directement atterrir chez Curtis, de ton numéro de téléphone, comme ça on t'appelle en direct, on prend tes coordonnées et tu choisis ton cadeau parmi ce que la roue va décider pour toi. Donc il y a beaucoup de choses à gagner. J'espère que tu vas nous envoyer ton numéro et qu'on puisse te contacter en direct, évidemment, avant la fin de l'émission. Pour ceci, je vous propose d'écouter tout de suite un dernier morceau. Mais avant oui. Que l'on se quitte. Dis-moi ce qu'on écoute. Je le mets si tu veux. Comme tu veux. Je sais que c'est un titre qui nous tient tous les deux à cœur. Ah, c'est un titre sur les hémorroïdes. On partage beaucoup de choses avec Curtis. Non, je suis sûr que tu connais. Parce que c'est une chanson quand même qui est propre à nous deux. La vie est belle, Indochine. Mais oui, on s'écoute ça tout de suite en direct sur la FM. Il est 22h10. Je vous propose de maintenant vous ressourcer, vous décontracter et d'écouter maintenant de la vraie musique. Curtis, je te souhaite une bonne soirée. A tout de suite sur la FM avec Indochine. J'ai l'ordinateur qui a planté en direct. Mais oui. Ah, mais attendez, y a plus rien qui va. C'est Ah oui, mais je vois. Ah ok. En fait, il faut redémarrer le serveur. On n'a jamais eu une panne comme ça quand même, Curtis. Hein. C'est impressionnant. Curtis, je te laisse aller sous le bureau. Enfin, personne n'ira sous le bureau. Pour aller voir ce qui s'y passe au niveau du serveur. Vas-y, passe, je t'en prie. Aïe. Tiens, s'il te plaît, voilà la clé du bonheur. C'est super méchant. Et mon casque, tu tiens mon casque avec. Ok, c'est on bon. S'en fout du on s'en fout du casque. Alors je vous explique, voilà, on a eu un petit souci technique en direct, merci Curtis. On a le système technique qui a complètement planté. On n'a jamais eu ça, c'est parce qu'en fait on fait des heures sup, là il est 22h13, on va trop loin, hein Curtis. Oui, oui, je suis complètement... Je tends le micro par terre, lui. Oui, oui, je suis complètement d'accord. En tout cas, on est toujours en direct. Là, je... envoyez un petit message dans le chat, voir si on est toujours en direct, parce que ça m'inquiète beaucoup. Il y a un bug, là, c'est très inquiétant. Ah, ça redémarre. J'ai ma console qui redémarre complètement. Ok, j'ai Curtis qui m'a foutu le bordel partout, mais ça va à part ça. Je te remercie, Curtis. Tu m'as dit de regarder, moi j'ai regardé. J'ai regardé, il m'a regardé. On s'est regardé. Oui. On va pas dire la suite. Bon, c'est mon copain. Curtis, voilà. Ah, oula, il y a eu une brime d'Indochine. Attention. Ah. Est-ce que on peut avoir la suite? Mais heureusement s'il vous plaît. Que c'est le bon qui s'est coupé, t'imagines? Juste, ouais, c'est vrai. Si ça aurait été l'antenne, le décrochage, oh là là, on aurait eu le disque de secours avec les vieux sketchs de 2000 qui seraient passés. C'était déjà quoi le sketch? Chaque fois qu'on a alors, fait en un fait, problème technique. Dès qu'il y a un problème technique, il y avait une blague avec des Esquimaux. Oui, et à chaque fois, mais on s'est chopé. Dès que ça deux, décrochait. On avait cette blague là, et j'ai dit à Thomas un jour, faut vraiment que t'enlèves ça parce que ça m'énerve, je vais lancer l'ordinateur. Ouais, mais c'est pas moi, c'est la programmation qui fait oui. ça. Donc voilà. Ah, donc voilà. Donc ouais, tout remarche. Tout remarche. Ça va mieux comme ça, ça me soulage. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend là où on en. Tout va s'effondrer. T'as entendu le bruit? Oui. Y'a un truc qui m'est tombé dessus, non? Mais. T'as gentillé. Ok. Alors, on fait quoi? On écoute le titre? On le termine plutôt? On va passe pas à l'antenne? On va pas le reprendre au milieu. On va pas le reprendre au milieu, tu as raison. On va le mettre en fin d'antenne après le générique. Ouais. De fin, d'accord. Évidemment. Ce que je te propose de faire, c'est que maintenant que tout va bien, on va essayer de que ça refonctionne d'une manière habituelle et normale. Comme ceci. Avec la nappe, c'est parfait, tout refonctionne. Voilà, nickel, nous sommes en direct. Je vous propose maintenant, Curtis, est-ce oui. que tu peux me faire le numéro de la gagnante? Ah, c'est là. Oui. Ok, bah, Sacha, c'est masculin ou féminin? Oui. Comme nous. D'accord, on est d'accord. Voilà, attention, on lance l'appel. Est-ce que tu es prêt? I'm ready. Alors, c'est parti. Allez, on y va. On lance l'appel. Va-t-il nous décrocher ou nous... Va-t-elle, pardon, oh là là, j'ai jamais y arrivé. Allez, tu l'as eu avant ou pas? 15. 88. Ah, attendez, il y a le numéro là. 00. Oui, bon. Veuillez laisser votre message après le signal sonore. On laisse un message une on fois l'enregistrement terminé, okay. Vous pouvez raccrocher. Bonjour Sacha, voilà, tu étais sur Hilar FM, tu as gagné le jeu. C'était quel jeu? L'objet du peuple. L'objet du peuple. Donc rappelle-nous rapidement avant la fin de l'émission pour pouvoir remporter ton lot. On va faire tourner la roue ensemble. On va essayer de te rappeler là juste maintenant. Hop là, on va quitter la ligne. Curtis, tu relances la ligne? Je lance la ligne de pêche. On va voir si tu as pêché du poisson. Ou du... J'adore, il se retient. Il met un filtre maintenant. On m'a dit, Curtis, faut que t'arrêtes les conneries. Allez, on réessaye. Attention, c'est parti. Attention au départ. Allez. Ah, ça sonne. Ça sonne. Il n'y avait pas eu ça avant. Avant la sonnerie, elle s'était barrée. Elle s'est dit, écoutez les gars, la sonnerie c'est pas pour aujourd'hui. Voilà, c'était plutôt comme allô ça. Allô, bonjour, Sacha. Oui. Bah plutôt bonsoir, voilà. Bonsoir, on bah oui. C'est 5 allez, euros 5 euros, c'est toi, non, c'est, toi c'est toi qui l'a dit. Ok, ouais, bon, bah, ce sera moi qui mettra 5 euros. C'est ça pour l'abonnement. Voilà, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, je dois faire mon abonnement oui. rose. J'ai oublié. Voilà, Sacha, on t'informe que tu es la gagnante de l'objet du peuple. Et donc, on va tourner la roue ensemble pour savoir ce que tu as gagné, d'accord? D'accord, d'accord. Allez, attention, on va... Curtis, de ses petits bras faibles et efféminés, va lancer la roue. Est-ce que tu es prêt, Curtis? Oui, je suis prêt. Ouais, bah, parle dans un... Ah, t'es là? Oui, je suis là. Mais qu'est-ce que tu fais derrière moi? Je viens lancer la roue. Ah, ok. Mais pourquoi tu m'as poussé? Allez. Allez, attention. Elle tourne, elle ralentit. Curtis danse. Et elle s'est arrêtée sur album au choix. Donc on a sous la main un album de Black M, un album de Katy Perry, et c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Bon, bah le choix est restreint. Mais qu'est-ce que t'aimes bien comme musique? Je sais pas. On n'a pas du Hardstyle, on n'a pas. Ouais, on n'a pas tout ça. on a accès à ce choix-là. Donc, c'est Black M ou Katy Perry qu'on t'envoie chez toi? Bah, Katy Perry alors. Ah, c'est bien, tu as un bon appétit. Non, c'est le titre de l'album. Ok, bah très bien. Okay. Ne quitte pas, on va prendre tes. Enfin, Curtis va prendre tes coordonnées hors antenne. Et comme ça, on va pouvoir t'envoyer ceci chez toi. Tu es contente? Ouais, super. Tu nous écoutes souvent? Ouais. Attention à la réponse. Attention à la réponse, c'est déterminant pour le cadeau. On lui fout la pression. C'est horrible. Allez, on te repasse Curtis avec ses doigts magiques. Allez, attention, merci d'avoir joué Sacha. À bientôt. De rien, au revoir. Allez, au revoir. Voilà, on la repasse, on le bascule chez. Elle a raccroché. Quand on dit de pas quitter, les amis, c'est de pas quitter. Ne me quitte pas. Curtis, je te laisse faire les démarches pour reprendre contact, ouais. contact avec. On a beaucoup de talent, je dois vous le dire. Allez, on embrasse au standard Evelyne, Estelle, qui fait un coucou d'ailleurs à Sachi. Sachi, c'est une ville. Non mais c'est vrai, en France, près de ouais. Charleville ou près de Sedan, c'est une ville, ça s'appelle Sachi. Charleville-Mézières, j'étais paumé un jour là-bas. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est sympa, hein. Ouais, c'est très sympa. T'es déjà en train de faire tes affaires, toi, ça se passe comment? Bah, je prends le bouquin et... Ah, pour les coordonnées et tout? Oui, non, c'est bien, désolé, ça. Bah, on dirait pas que tu bosses. Ça fait 3 mois que je travaille pas, aujourd'hui je travaille, je me fais engueuler. Allez, ça a été un grand plaisir de faire en tout cas ces 4 premiers mois en direct avec toi, Curtis. Je te remercie beaucoup, ça t'a plu jusqu'ici? Oui, non, franchement, ça ah m'a ben fait. Voilà. Le mois qui arrive va être un mois ben, un peu spécial car ça va être les émissions de Noël, les best-of et toutes les émissions. On sera en inédit, pas en direct. Donc, c'est-à-dire et... que voilà, l'émission sera là, on sera là en exclusivité, en inédit. Mais en tout cas, on sera là. Voilà, c'est l'essentiel. Curtis, un dernier mot? Ben, merci à vous tous. C'est un grand plaisir de vous retrouver très vite. Et voilà, je suis content. Ok, merci Curtis d'avoir fait trop court pour que je ne puisse pas prendre et mon générique de fin. Non, franchement, merci à tout le monde et voilà, on va. Merci à Thomas et merci. Qui est là toutes les semaines et voilà. Qui est là pour toi quand même un mais petit oui, peu. Un petit peu. Un petit peu beaucoup. Pas beaucoup. Qui c'est qui t'encourage demain pour là où tu vas travailler? Qui t'encourage demain pour le où tu vas aller? Où ça? À la patinoire. Allez, moi je suis gentil, moi c'est pas pareil. Il manque de gentillesse, hein, mais bon, ce n'est pas grave. Allez, messieurs, dames, vous étiez dans l'émission numéro 1 d'Hilar FM. C'est Jadoul en direct de 20h à 22h chaque semaine. Ne nous loupez pas la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci Curtis. Merci à toi, Thomas. Et maintenant, on peut enfin s'écouter le magnifique titre d'Indochine, La vie est belle. C'est quelque chose de très beau et qui signifie beaucoup, n'est-ce pas? Oui. Merci. Allez, est-ce qu'il veut bien se lancer? Oui. Jusqu'au bout, cet ordinateur nous aura voulu des ennuis. On ne t'aime pas l'ordinateur. On va le changer durant les vacances. Allez, bonne soirée et bon amusement sur Hilar FM.